Retro Nouveau. Bonjour et bienvenue à ce 13e épisode de Rétro Nouveau. Ben oui, il n'y a pas eu d'épisode la semaine passée, Dom. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui s'est passé? Moi, de mon bord, il s'est passé qu'on a déménagé de bureau. Alors, j'étais tous les soirs en train de peinturer des murs, des poutres, et puis essayer d'être un peu à la maison aussi au travers de ça, travailler dans le jour. Donc, j'ai vraiment pas eu le temps de jouer à rien. Une semaine de fou. C'est une semaine de fou, mais il fallait le faire. Donc, c'est ça. J'ai pas eu le temps de jouer à rien la semaine passée. Toi? Non, puis moi, écoute, je revenais au travail. Je revenais de mon congé de paternité. Fait que, tu voulais être en shape, là, pour. Je voulais être en shape retour. Pour Monsieur Net aussi, c'est ouais, ça. Ouais, c'est ça. Fait que t'avais un gros. Au jeu, ben, t'avais une affaire bizarre à jouer, le ben, Rocksmith. C'était Rocksmith, puis des jeux comme ça, un jeu avec une guitare de même, tu sais, c'est parce que là, tu joues pas avec une manette normale, fait que tu critiques pas de la même façon que tu critiques un jeu normal, tu sais. Faut que tu checkes justement si c'est intéressant avec un. C'est intéressant avec tel setup pour ta TV, faut que justement, fallait que j'essaye avec une autre TV, avec un autre système pour voir si. J'ai parlé qu'il y avait un délai dans le son, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, je voulais savoir avec un système de cinéma maison si ça marchait ci puis ça. Faut que tu le regardes en tant que musicien, en tant que gamer, en tant que ci, en tant que ça. Donc, il y a comme plusieurs niveaux. C'est pas super simple, tu sais. Puis j'aimerais justement revenir là-dessus parce qu'il y a du monde qui me sont revenus avec ça. 7.5, là, c'est pas un échec pour un jeu. C'est 75% dans ton cours de chimie. C'est quand même bon, là. C'est ça, parce qu'il y a bien du monde, là, que avant, tu sais, si le jeu a pas 8 en montant, là, ouais. Ah, c'est de la merde, ce jeu-là. Ouais, ouais. C'est pas vrai, c'est pas de la merde. Comme à Monsieur Net, quand on donne un 7, tu sais, oui, c'est pas les meilleurs jeux, mais c'est des bons jeux quand même, tu sais. Ouais. Tu sais, même à la limite, un 6.5, c'est un bon jeu pareil. C'est juste qu'il y a des problèmes, puis. Quand on regarde la critique, ben on s'aperçoit, OK, il y avait ça. Tu sais, dans Rocksmith, justement, là, je reviens du tournage de Monsieur Net ben oui, ce soir. J'étais écouté à soir. Hey, ça ben faisait oui. drôle parce que mon fils, il te connaît. Là, tu sais, fait que oui. là, je disais, regarde, c'est Bruno dans la télé, le papa de Léa. Ça, bien drôle, il comprenait pas trop. Fait que, c'était bien drôle. T'as-tu ton maquillage de scène? Eh oui, là? J'ai mon make-up. T'es maquillé. Eh oui, je suis maquillé. Propre, ça fait propre. C'est propre, pas de rire de rien. Mais non, c'est ça. Puis tout à l'heure, Denis est revenu avec ça. Il m'a demandé, tu sais, puis Rocksmith, finalement, tu sais. Mm-hmm. Parce que justement, il y a beaucoup de monde qui sont revenus là-dessus. Des guitaristes fâchés de ma note. Des gamers qui s'attendaient à avoir un jeu pour apprendre la guitare. Puis. Je veux dire, c'était 7.5, c'est quand même une bonne note. Puis c'est un bon jeu pour apprendre des tunes. C'est un bon jeu pour apprendre une technique de guitare, mais tu sais, c'est pas parfait. Puis, t'as-tu mentionné dans ta critique que t'étais un ex, ben tu joues encore de la guitare. Oui, c'est ça, j'ai dit. Un ex death metal, ben joueur de metal. Là, non, c'est ça, j'ai pas dit que je jouais du death metal. J'avais déjà dit auparavant, mais tu sais. Bon, ben on leur dit, Bruno jouait dans ça. Un band de metal, c'était pas mal hot. Il y avait les cheveux longs. J'avais les cheveux longs, quand même. Il est encore assez les cheveux longs, donc c'est ça. Fait que tu sais un peu de quoi tu parles, pas quand même, côté jouage de guitare. Oui, totalement. Ouais. Mais je l'ai aussi précisé en onde. Je suis pas un pro, puis je suis pas un débutant. Je suis direct entre les deux. Je suis un casual guitariste. Ah, ouais. Hein? Puis, tu sais, j'ai juste fun à jouer de la guitare. Puis ce jeu-là, ben ça marchait pour ça. Puis les problèmes qu'il y avait, c'était des problèmes techniques, mais. C'est le fun pareil. Ouais. Puis 7.5, c'est pas une mauvaise note. Et à l'avenir, si vous nous voyez à Monsieur Net, vu qu'à Rétro Nouveau, on donne pas de note, donner un 7, il faut pas condamner le jeu. C'est un bon jeu pareil. Il faut juste écouter les commentaires des critiques. Même chose sur le web, sur Metacritic, quand un jeu a 70% de moyenne, c'est pas nécessairement parce qu'il est mauvais. Même chose s'il y a 60% de moyenne, vous regardez les critiques, puis peut-être que vos critiques les plus pertinentes lui ont donné un 90%, mais que quelqu'un en Jamaïque ou je sais pas trop, qui a donné un 50, tu sais, puis qu'un petit blog, lui, tu sais. Ouais, faut fait checker ça. C'est un peu comme ça, peut passer à TripAdvisor, tu sais, les voyages, le monde qui passe un sale, mauvais voyage, puis toi, t'as eu du fun en même destination, tu sais. En même temps, faut en prendre, faut en laisser. Faut checker c'est un ça. Peu c'est quoi les critiques qu'il y a là-dedans aussi. Mais je suis bien d'accord avec toi, là, 7.5, c'est quand même très bon. Là. Ben oui. Faut pas laisser ça. Faut pas condamner un jeu qui a la note de passage. C'est pas mal ça. Parce que c'est pareil comme à l'école. C'est la même affaire. Si tu passes 60%, T'es correct. Ouais, fait comme mon cours de maths en secondaire. Hein, oui. On se disait, passer 60%, 61, I'm hot. Fait que, non, c'est la même affaire. Ouais. Fait que, c'est ça, juste une petite parenthèse là-dessus, parce qu'il y a des gamers qui sont parfois bien déçus puis qui capotent pour rien parce que, dans le fond, le jeu n'est pas mauvais. Ouais. Fait que, je voulais revenir aussi un petit peu. Premièrement, on parle là, puis me semble que ça résonne pas mal. Oui, hein, c'est écho. C'est très écho parce qu'on est justement dans notre nouveau local qui est deux fois plus grand que l'ancien, ben, même si on n'a jamais enregistré à l'ancien. Mais disons qu'il est plus grand que ma cuisine, ouais, ou que ta ou cuisine. Que ma cuisine. Donc, il y a peut-être de l'écho en arrière. Là, ouais. Mais là, on fait ça directement jeudi soir après M. Unet. Ouais. Denis, lui, fais-tu Radio Talbot présentement? Pas soir, il fait le vendredi. Puis c'est tard en tabarnouche. Ben ouais, après M. Unet, le vendredi soir, je veux dire. Les gars de Radio Talbot, ils aiment ça. Ils sont là, puis ils donnent un méchant bon show. Faut aimer ça. Ah, faut aimer ça, certain. Donc, si vous entendez de l'écho, c'est à cause de ça. Et oui. Puis, c'est ça. Bon, aussi, on revient sur nos fameux problèmes. Là. Nous autres, là, on a bien des problèmes d'Internet. Tout le monde nous dit c'est long downloader. On le sait, là. On le sait. Très bien. Présentement. Je suis seul. Oui, t'es pas le seul. Vous êtes pas le seul. D'après nos calculs, vous êtes à peu près 400 par épisode. Ouais. D'après nos calculs qu'on a regardé nos stats. Oui. Mais on n'est pas des gars de web, on ne connaît pas grand-chose à ça. Mais tout, pour l'instant, on est des otages de notre hébergeur. Oui. Et on attend des nouvelles. On est supposé booster notre forfait, oui, finalement, pour avoir plus de bandes passantes. Qu'on a déjà payé avec eux autres. Fait qu'on peut pas changer de place. Pour 3 ans, tu sais, comme tout est déjà seté, oui, avec l'iTunes, si on change tout ça, la migration risque de ne pas se faire avec, oui, le podcast sur iTunes. Il faudrait partir une autre affaire. C'est un autre cauchemar. Oh, oui. Noël arrive. Ça me donne pas d'embarquer là-dedans. Fait qu'on est vraiment désolé. Vraiment. Il n'y a rien qu'on peut faire pour ça. Là. Mm. Donc, mais je leur ai parlé au téléphone. On est supposé avoir des nouvelles bientôt. C'est 911 qu'ils m'ont dit. Bien, mm-hmm, sûr, il doit y avoir 10 000 personnes en 911, mais en tout cas, c'est supposé, ouais, se faire éventuellement. Donc, si vous écoutez cet épisode-ci, vous avez probablement attendu encore une fois très longtemps pour l'avoir. Ouais. On s'excuse, mais l'avenir nous dit. On est vraiment désolé. On va réussir à régler ces problèmes-là. Là. Mais aussi, un autre changement qu'on est en train de faire, on est en train d'essayer de tweaker notre page rétro-nouveau. Parce qu'on voudrait que ça soit fait bientôt. Là, parce que nous, on blogue chacun de notre côté, ou puis là, on met des affaires sur Rétro Nouveau. Puis là, gérer Papa Cassette, une vie de gamer, Rétro Nouveau, ça fait bien du stock. Là. Ouais. Donc, on avait déjà parlé dans un épisode précédent de fusionner le tout. Fusionner. Comme ça, on pourra mettre ça tout dans un pain. Puis en même temps, ça va être bon pour vous autres. Vous allez avoir une place à aller voir, puis tout va être là, les nouvelles qu'on a. Ah, Rétro Nouveau va être un package complet. Là. C'est ça. Avec du vieux stock, la musique de jeu, les dernières nouveautés. Bruno, il check ça pas mal. Je vais mettre du beat, je vais continuer de mettre les jeux que j'achète. Je trouve ça bien le fun. Dans le fond, tout le contenu de Papa Cassette puis une vie de gamer, fusionné en un, plus de posts à la même place, au même endroit, tu sais, ça va être, ça va être pas mal intéressant. Fait qu'on est là-dessus présentement, puis quand ça sera fait, vous serez les premiers avertis. Eh oui, yes, totalement. Puis justement, parlant de fusion et de nouvelles opportunités de podcasting, nous autres, justement, là, on est en train là, d'essayer de penser à quelque chose, moi pis Dom, parce que dans le fond, on est dans un local qui est temporaire, qui, on l'espère, est temporaire, parce qu'évidemment, ben, tu sais... Temporaire pour le show. Il y a de l'écho, pour le show. J'espère travailler ici, t'as un bout. Non, pour toi, ça sera pas temporaire. Mais c'est ça, tu sais, c'est sûr que c'est pas toujours l'idéal d'être ici. Ben aussi, parce que depuis qu'on a commencé le show, on l'a fait chez nous sur l'heure du midi à grosse course. Après ça, t'as eu un bébé, on l'a fait dans ta cuisine. Après ça, à soir, on était supposé être chez moi, mais mon fils, il se couche tard. Il serait encore debout à côté de moi présentement, en train de me parler, donc ça n'aurait pas marché. Fait qu'on le fait ici, mais c'est pas optimal. Non. On a d'autres plans aussi pour le podcast. Oui. Puis on a besoin d'un espace pour c'est ça. C'est ça. Puis on a besoin de hardware. Totalement. Donc, on aurait vraiment besoin d'un espace plus intime là, où est-ce qu'on peut avoir le stock sur place. Tout est là. Puis on y va. Tout est seté. Tout est seté. C'est pas compliqué. On le sait. On arrive. On va là. On enregistre. On part. Donc, on a envie de faire un appel à tous. Ce qu'on veut, c'est un local. Ouais. Un local commercial, finalement. Ouais. Pas trop grand. On ne veut pas mettre une fortune là-dedans. Non. On aurait besoin qu'il y ait une TV, on peut mettre des consoles, on a besoin d'avoir un ordinateur quelconque, vraiment une table, des chaises. Ah oui, un endroit de podcasting. Puis l'idée qu'on a eue vraiment, ça serait de faire un local de podcasting. Puis là, on parle pas juste de rétro nouveau, on parle de d'autres podcasters qui a probablement, si vous nous écoutez, peut-être que vous avez un podcast. Peut-être que vous avez un ami qui a un podcast, pas nécessairement un podcast sur les jeux vidéo. Puis on trouverait que ça serait intéressant de partager un local qui est consacré entièrement au podcasting. Ouais. Fait qu'on aurait justement, on aurait un horaire, on aurait notre la table avec, avec les ordinateurs, avec tout le gear, comme tu as dit. Tout est seté là. Tout le monde paye pour tout ce qu'il y a dans la pièce, évidemment. Donc, on peut avoir du matériel de qualité sans dépenser une fortune. Puis pour le local, bien évidemment, plus de personnes on est, mieux c'est. Ouais. Fait que, tu sais, si on est dans un local, puis mettons, je sais pas, moi, on est 10 ou on est 20 même, tu sais, ça peut être possible, puis justement, qu'il y ait une bonne rotation, puis qu'après ça, bien, tu arrives à quelque part, puis tout ton stock est là, tout est fait. Tu sais, si vous êtes plusieurs à faire le podcast, je sais qu'il y a du monde qui font leur podcast à partir de Skype. Skype étant pas la façon optimale de faire un podcast. Puis des fois, il y en a qui font ça à cause de problèmes d'horaire. Des fois, il y en a qui font ça à cause de la distance, puis tout ça. Bien, tu peux venir le faire dans le local. Tu peux skyper dans le local. Tu peux skyper dans le local aussi, c'est ça. Si jamais tu as besoin de sortir de chez vous, là. Exact. Ça serait... Puis tu sais, tu dis on est 20, là. Mettons, ouais. Si on est 20, puis on met chacun 20$, là, ça fait 400$ ouais. Par mois. C'est bien en masse, ça, ouais, pour la grandeur de local qu'on a de besoin. Ouais. Puis c'est ça le but, dans le fond, de diminuer les frais parce que personne de nous est payé pour faire un podcast. Là, je pense pas. Puis tout le monde, ben nous, en tout cas, on a besoin d'espace. Mm-hmm. Donc, si on se trouve une petite gang, là, puis qu'on s'organise, qu'on se fait confiance, puis tout va bien, ben, même en mettant à 30$ par mois, chaque, ben oui. Là, t'sais, on aurait là, un espace pas pire pendant tout. C'est ça. Puis moi, j'avais pensé aussi, si possible, cet espace-là, on peut peut-être l'utiliser une fois de temps en temps, par mois ou deux mois, faire un petit get together de gaming, ben oui. Et puis on l'ouvre à du monde, venez faire le party, ben tu oui. Charges un cover, 10$, tu sais, ben mettons, oui. S'il y a 50 personnes, 500$, on redistribue le 500$ à tout le monde, ça amortit encore plus les frais, donc ça revient vraiment pas cher, là. Ben puis oui. On a tout du stock chez nous, écoute, moi j'ai des consoles rétro, j'en ai en double, tu sais, j'ai des jeux en double, j'aurais du stock que je laisserais ben oui. Là, tu sais, je suis pas... genre à faire confiance au monde puis à savoir à qui faire confiance. Là. Donc, tu sais, il n'y aurait pas de vol. Ça serait vraiment très respectueux. Ah ouais. Puis le stock est sur place. Tu veux jouer à l'Atari, j'ai mon Atari qui est là, tu joues. Tu sais, s'il y en a qui ont des consoles en double, vous pouvez les laisser là. On joue, on se partage les choses, on fait attention à nos affaires. Ça serait vraiment une belle solution certain. Pour tout le monde. Donc, l'appel est lancé. Oui. Si ça vous tente d'embarquer dans ce genre de projet-là, moi et Bruno, on est bien partants. À nous deux, on trouvait que ça faisait trop cher. Là. Nous deux, à 500$ par mois, ça nous fait 250$ par mois. Oui, puis c'est aussi inutile dans un sens, parce que là, tu vas, t'sais, on va être là une fois par semaine ben, c'est ça. Pour 2-3 heures. T'sais, ça serait un peu stupide de louer un local pour ça. Ben, oui. S'il y a plein de monde, il y en a qui font ça durant le jour, qui sont étudiants, il y en a qui font ça le soir... Ouais. On va vraiment avoir le plein potentiel du local, puis c'est ça qu'il faut. Il faut penser à ça aussi comme un local de musique, là, justement. Absolument. Du monde qui jamme ensemble, ben là, on jamme pas ensemble, on fait des podcasts ensemble. Puis aussi, ça peut être une occasion justement de se rencontrer, ben ouais, ben ouais. Pouvoir faire pour avoir des invités sur les podcasts, puis pas nécessairement des podcasts de gaming, ça peut être n'importe quoi, tu sais, justement. Oui. On voulait, c'est un bon segue, un bon lien, justement. Je vais fermer ça là-dessus. Juste dire au monde, si ça vous intéresse, c'est vrai. Envoyez-nous un courriel, info@retronouveau.ca. Oui. Puis sinon, Twitter, puis, Facebook, Twitter, on est Facebook, là. Puis on se donnera des courriels, puis on s'organisera. C'est ça. Puis c'est ça. Puis aussi, un autre... Ben, je voulais juste revenir sur le fait que ça peut être bien pratique justement pour les collectionneurs ou des gens qui ont bien du stock à la maison. Ouais. Si tu veux en mettre un petit peu ailleurs, là, puis libérer ton salon, là, parce que ça déborde, ben tu mets ça là. Puis ça aussi, c'est pas un entrepôt, mais c'est une place où est-ce qu'on peut avoir un deuxième spot à gaming. Ouais. Donc, c'est totalement. Ça, le lien avec... Ben c'est ça, le lien... Pas nécessairement dans le fait... des podcasts de gaming. Là. C'est ça, je disais pas nécessairement des podcasts de gaming, parce que cette semaine, j'étais sur Twitter, puis... Je regardais ça parce que j'aime ça écouter des podcasts en français, mais des podcasts faits chez nous, vraiment, au Québec. Puis je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de répertoire de podcasts. C'est très difficile à trouver. Il y a Richard Sigouin qui en a fait un très bon. Ouais. Puis c'est ça, même encore là, j'en découvre d'autres, tu sais. Ouais. J'en découvre d'autres grâce à lui. Merci Richard de faire ça. C'est vraiment génial de ta part. C'est vraiment super de ta part. Puis ça ne me surprend pas que tu te sois retrouvé dans le Journal de Montréal. Écoute, c'est normal, un travail comme ça, ça mérite d'être remercié et félicité. Bref, ce que je voulais dire, c'est qu'on a découvert un gars, Pierre-Luc, qui est sur Twitter, qui est un gars pas mal sympathique. Qui est un gars qui me suit depuis longtemps sur Papa Cassette, à ce que je vois, tu sais. Puis j'ai comme fait le saut quand j'ai vu, tu sais, je connaissais ce gars-là de Twitter, puis là, waouh, il y a un podcast, c'est un truc bien sympathique. Puis son podcast, il est super bon, nous autres, on vous le conseille fortement, ça s'appelle « Trois bières ». Puis le concept est bien simple, ça n'a aucun rapport au gaming en passant, c'est juste bien drôle, bien le fun. C'est trois personnes qui choisissent des sujets qui ont été faits par le public. Fait que, admettons, le public envoie des sujets, puis eux autres mettent ça dans un sac. Mettent ça dans un chapeau, c'est ça. Puis ils pigent des sujets. Pigent des sujets, puis je pense que c'est ça, ils ont tous les trois une bière. Toutes les trois une bière, puis dès que les trois bières sont finies. Mais c'est ça, c'est qu'au départ, je pense que c'était un sujet dure une bière, finalement, ils sont aperçus que ça marchait peut-être pas trop. Fait que là, les trois finissent leur bière, puis au moment où les trois finissent leur bière, là, ils changent de sujet. Ouais. C'est un peu mieux de même, sinon, finir une bière, ben franchement, ça va vite, je sais qu'il y a des gars qui finissent ça en 4 minutes, fait ça serait pas trop long. Mais bref, c'est bien intéressant, allez voir ça. Ils viennent de commencer. Ils ont une belle chimie ensemble, ils ont tous un background très différent. Il y a une fille là-dedans aussi, c'est le fun d'avoir une fille de temps en temps. Hein. Ben oui. Puis, bien intéressante, vraiment une traductrice, comme vraiment downtown. C'est ça, non, mais ils ont trois backgrounds. L'autre il est BDiste, travaille dans les jeux vidéo, travaille de chez eux. C'est trois personnes qui semblent très différentes, mais en même temps qui matchent super bien ensemble. Puis trois personnes brillantes aussi en c'est vraiment, on sent qu'il y a du contenu derrière leurs propos. Fait que vraiment, écoutez ça, c'est génial, ça vient de commencer, puis je pense que c'est le début de quelque chose de pas mal de fun. Fait que c'est eux qui nous ont inspirés, Pierre-Luc. On va enchaîner avec la discussion de la semaine. Ben oui. Une petite discussion. On en jasait sur Twitter, puis on s'obstinait bien gros. En fait, on s'obstinait pas. Moi, je jasais avec Pierre-Luc. Toi, t'es venu t'obstiner, là, en me niaisant, là, avec Chanté. Donc, on veut parler, dans le fond, des consoles portables versus iOS. Oui. Donc, moi, je n'ai pas d'iPhone, encore une fois. Puis là, c'est rendu que je me sens quasiment comme un handicapé. Puis moi, j'ai un iPod que... je veux juste parler de mon iPod 20 gigs que j'ai acheté en 2003 et 2004. Et puis, qui est toujours vivant et qui marche à perfection. Oh, mais ça marche. Moi, j'ai le premier, puis il marche encore. Avec les quatre boutons dessus? Oui. Sa batterie est bonne. Non, pas les quatre boutons. Vraiment, l'autre avant ça, que c'était vraiment un rond avec une roulette amovible. Pas d'écran? Puis, il y avait un petit écran gris, là, écran quartz. Ça, c'est lui, il vient après. C'est le premier, celui avec les quatre boutons, non? Non, celui avec les quatre boutons en haut, touch, c'est arrivé après. Ils ont laissé retomber les boutons pour revenir juste un clicker. Exact. Moi, j'ai le premier. Puis il marche encore. Il marche encore, puis il est dans le lit de mon bébé. Ah ouais? Oui, parce que j'ai comme une espèce d'écran, puis je mets du beat pendant qu'il dort. Moi, je mets du FX Twin, ça fait la même. Mais non, je mets des tunes, c'est. T'es quoi, du FX Twin, toi? Pas ça. Moi, ça m'arrive. J'ai pas l'air de ça, mais j'en écoute. Mais c'est parce que je l'écoutais dans le temps. Left Field, tous ces genres d'affaires-là, techno un peu. Moi, j'aime les affaires pas mal fuckées. Ouais. J'aime ça quand c'est fucké. J'aime ça quand ils sont fâchés. On a des d'ailleurs d'iPod. Oui, totalement. La batterie, elle marche au bout. Il n'y a aucun problème. Ça marche encore. Donc, j'ai pas besoin d'en acheter un autre. En même temps, pourquoi je mettrais genre 300$ là-dessus, mais marchant. Ben, je mettrais ça pour des jeux. Oui, mais c'est parce qu'il t'offrirait pas la même chose. C'est ça l'affaire aussi. Non, c'est ça. C'est ça. Mais tout ça pour revenir au fait que j'ai pas d'iPhone encore, malheureusement. Donc, la discussion qu'on va avoir là, je vais peut-être parler un petit peu à travers mon chapeau, mais pas complètement, parce que je veux dire, j'ai vu des jeux, je l'essayais un peu là, mais c'est ça. Ouais. Fait que, est-ce que, parti le débat sur Twitter entre moi, Bruno et Pierre-Luc, c'est que Chanté, que j'ai parlé au dernier show, qui était un excellent jeu DSiWare, ouais. Va se faire sur iPhone. Oui. Ça s'en vient. Oui, ça s'en même vient. C'est pas déjà fait, je pense, au moins. C'est déjà fait. Puis, donc, ben, moi, ce que je trouvais, c'est que tu as plus, on dirait, de puissance dans une console portable. Tu peux avoir des jeux vraiment plus profonds, avoir beaucoup de stock que dans un iPhone, tu sais. Et pourtant, c'est pas vrai. Tu sais, justement, chez... Tu sais, Chrono Trigger, là... Ben, Chrono Trigger, il y a des jeux comme ça. Toutes les Final Fantasy sont sur iPhone, tu sais. OK. C'est fait que ben, Les RPG complets... Ouais. Sont très populaires sur iPhone, justement. Puis là, je dis ben, iPhone ça, mais... en passant, là, c'est toutes les, ouais, ouais, les plateformes ouais. iOS. Mais, tu sais, c'est super populaire là-dessus parce que ça se porte bien. Fait ouais. que les RPG sont très gros là-dessus. Puis c'est aussi épique, aussi énorme. Tu sais, okay. tu as des jeux de grande qualité. Tu penses à Infinity Blade, ouais. Qui est ça, c'est ce jeu-là. Tu le regardes, puis tu te dis, crime, c'est impossible de faire ça sur une petite plateforme de même. Mais ça existe, puis le graphisme est vraiment bon, est vraiment poussé. Fait que, tu sais, moi, quand je suis sur la DS, puis que je tombe sur l'iPhone, c'est dommage parce que le graphisme de l'iPhone est meilleur. Ah ouais? Oui, il mais est beaucoup plus fort. Mais le gameplay, là, parce que Shantae, t'as comme tu vas avoir un demi-écran d'iPhone, puis tu vas avoir des boutons en bas, tu sais, des boutons dans l'écran, mm-hmm. donc pas des boutons qui ressortent, que ah, tu passes ouais. dessus vraiment. Ça enlève pas du gameplay, ça, un peu? Non, pas du tout. Parce que, tu sais, t'as left, right, tu sais, ouais. mettons, sur une DS, t'as ton écran en haut, tout se passe. Après ça, t'as ton menu en ouais. bas qui est là en tout temps. Tu pèses dessus, switch la map, tu pèses dessus, pong ta magie, tu sais, ça va ouais. super bien, là, me semble. Tout est là, dans ta face. Mais c'est parce qu'en même temps, t'es habitué à ça, tu sais, c'est aussi, c'est qu'il y a une différence entre les jeux iOS puis les jeux sur les consoles portatives, mettons, la PSP ou la DS. C'est l'affaire qui arrive, c'est que c'est adapté en fonction de ça. Ouais, c'est adapté. Puis il y a certaines des compagnies qui le font bien, puis d'autres qui le font mal. Si on pense aux compagnies qui le font mal, Capcom, ils n'ont ah ouais? pas compris encore. Okay. C'est vraiment là, la plupart du temps, là, c'est un peu tout croche leur affaire. Je pense que la seule affaire qu'ils ont bien réussi, c'est leur Street Fighter, que les contrôles sont vraiment tight. Sur iOS, Street Fighter sur iOS. Super bon. Okay. Vraiment, vraiment tête. Là. Mm. Puis, c'est ça, c'est que la plupart du temps, quand on se retrouve, ce qui est dommage dans le fond, là, ouais. c'est que moi, quand je vois des gros jeux de même, puis que je joue sur iOS, puis que j'ai du fun, je suis surpris d'avoir du fun. Ouais. Tu sais, je suis vraiment comme, aïe, fuck, ça marche. Fait que, tu sais, c'est toujours surprenant quand c'est des jeux que tu as déjà vus sur console. Mm. Mais sinon, pour les jeux originaux sur iOS... Ben ça, oui. Ça marche au ça bout. Ça fonctionne sûr, au bout, tu sais, parce que justement, tu le fais en conséquence. Ben oui. Dans le fond, tous les jeux de portables qui sont portés sur iOS, peut-être là, si tu as joué à la version portable... Ah, c'est sûr que tu vas aimer mieux la version portable. Oui, oui, ouais, c'est sûr que tu vas aimer parce mieux la pas version portable. Parce qu'on pas le choix de couper un peu ou tu as moins d'options mais sur ton téléphone. C'est pas qu'il coupe pas dans le jeu. C'est sûr qu'il coupe pas dans le jeu, mais les contrôles, la mécanique est différente, c'est ça. Tu c'est contrôles ça. Tes affaires autrement. Oui. Parce que je suis en train de jouer présentement à... J'en parle-tu? Ça va être mon jeu de la semaine prochaine. Bon, tu peux en parler, ouais. tu peux le teaser de toute façon, le temps que ça prend pour te le charger. T'as raison. Je suis en train de jouer à Aliens Infestation, puis, ouais. Tu sais, puis j'essaie, vu suite à ce débat-là, j'essaie ouais. de l'imaginer en iPhone, tu sais. C'est juste pas possible, là, il me semble. Tous les boutons sont utilisés, left, right, les quatre boutons sur le side, ouais. Le pad, le D-pad, tu sais. Il y a toujours les un deux moyen. Écrans, clic-clac, tu sais. Ouais. Je switch la map, que je choisisse mon gun, tu sais. Tout ça fait d'un naturel, tu sais, ça va ouais. bien. Là. C'est pensé pour ça, là, finalement. Mais je vois pas comment une affaire de même peut être possible, tu sais, sur un téléphone. Ben, c'existe, c'est juste que c'est... God of War, PSP, c'est... Ben, ça sur téléphone. Ça se fait, tu sais, si tu fais Hero of Sparta, hein? C'est God of War version iPhone. T'sais. Ghost of Sparta. Non, c'est Hero of Sparta. Sur le téléphone? Sur le téléphone. Ah, OK, c'est un nouveau jeu. Ouais, c'est une arnaque qui ouais. est pas... C'est pas God of War. Ouais. Ça, c'est Gameloft. Gameloft, eux autres, c'est des maîtres dans l'art de prendre ce qui marche sur les consoles puis de le mettre dans le mobile. Ah ouais. Puis de voler des tonnes d'argent. Mais ça marche. Ah OK, ça marche puis ils l'ont, l'affaire. Okay, c'est okay, ça, l'affaire. Okay, c'est long. Il y a beaucoup de monde qui décide de les boycotter parce que, justement, c'est les grands génies. C'est eux autres qui ramassent le plus de cash avec toute cette histoire de mobile-là. OK. Mais c'est ça, eux autres, ils ont compris les contrôles, comment ça marche bien. Crime, regarde, j'ai joué à J'ai joué à Assassin's Creed sur iOS. Super le fun. Mais, c'est pas ça le même fonctionne. Jeu, ça, non? C'est pas le même pas jeu. Même jeu du tout. C'est pas le même jeu, c'est adapté, mais c'est super bon, tu sais. Backstab... Mais j'en doute pas que c'est bon, ces affaires-là, mais c'est pas le vrai jeu, tu sais. Non, pas... c'est... Ça peut pas être aussi gros. Oui, mais en même temps, ton aventure peut pas être aussi big. Oui, mais regarde, je pense à Assassin's Creed qu'il y a eu sur le PSP, je pense que c'était Bloodlines. Ouais. Ben, c'était de la marde. C'était vraiment un mauvais jeu parce que justement, c'était pas le Assassin's Creed des consoles. Ouais. Puis, il a fallu qu'ils réduisent le contenu du jeu pour en faire une version PSP. Puis, c'était vraiment, vraiment moyen. Fait que c'est sûr qu'ils n'ont pas le choix de redescendre un peu certaines affaires pour faire de quoi de moins gros. Mais en même temps, il y a des jeux qui ont fini par être aussi grands. Tu sais, je pense à Backstab, qui est un jeu de Game Loft. C'est gros, là. C'est une méga aventure, là. Un mélange de Assassin's Creed, de Uncharted, des jeux comme ça, des gros titres. Puis ça marche. C'est long. Il y a un dialogue, c'est long. C'est un 6 heures de jeu. 6 heures, quand même. Tu sais, c'est solide, 6 heures de jeu pour une console portative. Fait que, tu sais... Fait que t'as des gros jeux. Oui, il y a des gros jeux, tu sais. Long quand même. C'est là, ça, il n'y a pas juste Angry Birds. Il n'y a pas juste des Angry Birds puis des petits gosses de même, là. Tu sais, il y a des vrais gros jeux, là. C'est ça. OK. Puis souvent, l'erreur du monde, c'est de juste aller chercher les jeux à 99 sous. Ouais, ben ça, c'est, c'est un peu tout le monde, ça, en même temps. Tu sais, les gamers, ils vont aller chercher Backstab, là, mais tu sais. Ma sœur, mettons, je vais pas se downloader. Ben, ma non, soeur, c'est sûr, mais en gamer, c'est peut-être... Ouais, c'est ça. Mais si t'es vraiment gamer... Si ma blonde avait un téléphone, mettons, là, elle se pognerait Angry Birds, c'est sûr. Ben, c'est sûr. Puis, ben, même à ça. En tout cas... C'est sûr, mais c'est correct. Puis, tu sais, c'est un pas gamer va se pogner Angry Birds, sûr et certain, mais va pas se pogner Backstab, tu sais. Non, mais au moins, c'est là pour le monde qui veut le jouer, vraiment. Exact. Puis, on voit qu'il y a un public parce que les downloads sont là, tu sais. Puis, veux pas, c'est ça que je trouve dommage et un peu naïf. De certains gamers, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont décidé d'ignorer totalement la plateforme iOS comme si c'était pas un adversaire de taille pour les consoles portatives, puis c'est pas le cas. Nintendo présentement sont en train de réaligner toutes leurs affaires à cause d'Apple. Sony a réagi aussi avec les mini, chose qui fonctionne pas pantoute. Xbox, Microsoft, ils vont réagir aussi. Ça me surprendrait pas qu'ils sortent une console portative aussi. Fassent, là. Nintendo, en même temps, je pense qu'ils vont continuer de s'enfermer dans un genre de ghetto où est-ce qu'ils veulent pas, tu sais, que leur personnage ramasse n'importe où. Ouais. Ils sont bien comme ça, eux autres, là, ils se créent comme une communauté où ils essaient. C'est dommage. Ouais. C'est dommage. S'ils s'ouvraient un peu plus, ça serait peut-être un peu mieux. Là. Mais cela dit, toi, avec ton téléphone, là, tu joues-tu moins à tes consoles portables? Ben, des fois... Non, tu joues aux deux, dans le fond. Les deux sont aussi pertinentes l'une que l'autre. C'est ça. Il y a des bonnes affaires sur une ou sur l'autre. La grosse différence, c'est que mon téléphone, je l'ai tout le temps c'est avec ça, moi. C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai ma 3DS, là, je m'excuse, mais j'ai comme pas envie de jouer dans le métro avec ça. Non. Premièrement, j'ai l'impression d'avoir l'air loser. Puis deuxièmement, ça rentre pas dans mes poches, puis c'est gros, c'est puis le stylet. J'y pensais, là, cette semaine, maintenant, il faut que je prenne l'autobus pour venir travailler, vu qu'on a changé de local, c'est un peu plus loin. Je me suis dit, je vais me rattraper sur mon gaming dans l'autobus, mais ça marcherait pas, on dirait. Il y a du monde collé sur moi, tu sais, j'ai pas de place. Moi, je le fais pareil, je me gêne pas, tu sais. Ben, sur ton téléphone, ça va, on dirait que ça se fait comme juste tout seul, mais un DS ou un 3DS, c'est plus gros, tu sais. Ça flappe, puis le stylet, puis c'est comme la grosse affaire. C'est que t'emmènes ça dans un sac, tu sais, t'as pas le choix. Bientôt, la PS Vita, ça va être la même affaire. C'est quand même assez gros, fait que. Ah, c'est gros. Hey, la PSP, c'est gros en salle, cette affaire. Oui, c'est super gros. C'est pour ça que je m'étais acheté la ben Go. Ben oui. La Go, Colin, elle allait dans mes poches, c'était la même affaire. C'était aussi gros qu'un iPod, mais... Mais moi, j'ai pas... Les consoles portables, je les aime parce qu'il y a des bons jeux de consoles totalement. Portables. Mais portables jusqu'à la porte chez nous, tu sais, ça sort pas de chez nous quand même, la console. Ou quand je vais en voyage... Ou je vais en Beauce, mettons, à une fin de semaine. Tu sais, là, je l'amène. Mais tu sais, jamais là, que je traverse la ville avec une DS dans mes poches. Là, non, c'est ça. Donc, si j'avais un iPhone, c'est clair que je downloaderais des mais jeux oui. Puis je jouerais dessus. Hein. Mais, parce que tu sais, il y a aussi, tu sais, il y a deux types de jeux. Il y a des jeux sur iOS qui offrent une expérience vraiment, vraiment riche puis vraiment longue puis tout ça. Je pense au RPG, entre autres. Ouais. C'est les rois du RPG. Ça sort à tous les deux minutes, puis à la place de le payer 20, 30, 40 piastres sur ta DS, ça, c'est une autre affaire. Tu vas le payer 5 piastres pour un titre triple A, tu sais. Absolument, absolument. Les jeux, j'ai acheté Aliens, comme j'en parlais tantôt, ça m'a coûté 30 $ là. Ouais. Pour un jeu de DS, là, ouf, ça commence à faire ça, mal. Ça fait mal. 30 ça fait piastres. Mal. Mais tu sais, c'est un bon jeu, puis c'est correct, je suis content, puis tout, j'en reparlerai. Même que Nintendo ont baissé leur prix pour la DS, parce que Kirby était 30$, mais tous leurs jeux, normalement, ils étaient 40$. Là. Ah ouais? Fait que depuis que la 3DS est arrivée, ils ont comme réajusté un peu, ils ont bien fait. Mais je trouve ça quand même cher, sans doute. 30$ pour un jeu de DS, là, tu sais, à 40$, ben ça a tout le temps, ça a pas mal tout le temps été de même. C'est ça le problème. Oui, je suis d'accord, mais maintenant... cette étape-là est révolue. C'est plus le temps d'avoir des jeux de DS à ce prix-là. Parce qu'il en sort encore des jeux de DS. Il faut baisser ça un peu, là, me semble. Non, c'est sûr. Mais tu sais, t'as pas le même budget non plus pour faire un jeu iOS que pour faire un jeu de DS. Un jeu de DS, des fois, pour certains titres, ils ont exactement le même budget que pour faire un jeu là, de grande qualité sur la Wii ou sur la PS3. Pour payer t'sais. Tout ce monde-là. Puis... c'est ça, tu sais, des fois, il y a du gros développement, là, tu sais, comme, mettons, on parle de Professor Layton, ils vont passer un an et demi, deux ans là-dessus, là, une grosse équipe à penser à tout ça, tu sais. Ça marche, mais... c'est ça. Tu sais, si tu penses à des jeux sur iOS comme Sword and Sorcery AP, qui est un jeu absolument sublime, là, vraiment, il n'y a rien qui ressemble à ça sur aucune console, ben, crime, c'est une couple de gars, là, qui ont fait ça, puis... ils ont réussi, puis ils l'ont fait. Puis c'est ça qui est le fun c'est ça aussi des plateformes aussi. iOS. Ça l'ouvre tout un univers pour des gamers, ben, des programmeurs indépendants. Ça sonne tout croche, mais c'est plus facile à pénétrer. C'est vraiment ça pareil. Tu sais, c'est n'importe qui aujourd'hui peut faire des jeux. Toi, puis, moi, mettons. Puis les envoyer à Apple, puis être approuvé, puis avoir ta vitrine sur le web pour faire tes affaires. Ben, tu sais, ça te tente de faire un jeu d'un gars qui vole dans le ciel à cause de ses pets, ben tu peux le faire. T'as une idée, fais-la, that's it. Si tu veux faire ça avec Nintendo, si tu veux faire ça, tu sais, on parlait de ton chum de Tribute pas avec Wizard, tu sais. Si tu veux, ben, c'est ça ailleurs, tu sais. Non, c'est pas ton chum, mais bref. Ben, j'aimerais ça qu'il soit mon chum, là. C'est le chum de mon chum, mais je le connais pas spécialement, par exemple. Ils ont parlé d'eux autres dans la Destructoid, puis tout ça. Fait que ça va bien pour eux autres. Ouais, c'est cool. On s'inquiétera pas trop pour eux. Je voulais l'inviter sur le show, là, justement, pour parler de Weather, mais on était un peu... c'était dans les débuts du show, ça n'a pas trop marché. Puis finalement, elle s'est fait inviter à M. Net, toute la patente. Fait que je suis bien content pour lui. Ben oui, certain. On se reprendra avec lui éventuellement. Exact. Mais de toute façon, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, c'est la plateforme la plus facile pour n'importe qui, fait que dans le marché. C'est ça. Puis le nombre de jeux qui sortent par jour, c'est normal qu'il y ait énormément de marde. Très normal. Tandis que, mais même à ça, si tu regardes, mettons, sur DSiWare, il y en a de la crotte. Ah, je sais. Quand je magasine là-dessus, là, boy, il y a tellement de stock, je ne sais même pas où aller. Puis il y a des affaires. Mais des affaires, c'est moyen. Là. Tu vas jouer une minute, littéralement. Tu vas faire comme. Mais le problème, c'est que tu vas le payer 5-8 piastres. C'est ça. DSiWare, ça, c'était un autre problème. Mais pour conclure, là, penses-tu que ça va être la fin des consoles portables? Ça s'en vient-tu, ça? Moi, je pense pas que ça s'en vient, la fin des consoles portables, parce qu'il y a encore le Japon, puis le Japon sont beaucoup plus accros aux consoles portables qu'aux consoles de maison. Si on regarde les chiffres là, pour la DS, j'ai pas les chiffres devant moi, mais c'est énorme. Ça dépasse la 360 et la PS3. Okay. Fait que c'est pas fini, puis on n'a pas fini avec ça. Là. C'est sûr qu'il va en rester. Puis juste le côté gaming social, t'sais, de jouer avec d'autres mondes, contre d'autres mondes en multijoueur. Sur iPhone, il y en a de plus en plus avec Game Center. Ça va être la norme, ça, quand même. Là, c'est ça, c'est pas mal la norme. Puis l'affaire qui arrive, c'est que ça partira pas, ça va juste grandir les consoles portables, même qu'à la limite, j'ai l'impression qu'on va se rendre à un point où c'est ça qui va dépasser les consoles de maison. Ça se pourrait aussi, hein, parce que la Wii U, c'est ça que ça essaye de faire un peu. Là, semble-t-il que si tu veux pas jouer dans ta TV, tu pognes ta grosse manette, étrange, puis tu t'en vas jouer tu avec ta grosse manette, puis tu joues parce que ton chum, il veut écouter une game de hockey ou quelque chose. Je trouve ça très cool. Ben, c'est une très bonne idée. Puis tout le monde est occupé, puis tout le monde se promène tout le temps. Exact. Même dans la maison, on passe mon temps à se promener. Ouais. Fait que le stock portable, ça va être bien. Ben oui, on devient une société de plus en plus occupée. Ouais. Puis c'est pas pour rien non plus que le iPhone existe puis qu'il est aussi populaire puis que les téléphones intelligents sont aussi populaires. C'est parce que tout le monde veut tout à la même place. Puis ils veulent communiquer avec d'autres mondes, ils veulent s'afficher, ils veulent dire qu'ils viennent de s'acheter des nouveaux pantalons, des patentes d'eux-mêmes, ils veulent dire qu'ils ont gagné des trophées. Qu'est-ce qui arrive dans notre vie un peu. Exact, on aime tout ça s'exhiber, devenir des stars, tout le monde. Fait que, veut pas, là, les consoles portables, ça fait partie aussi un peu de ça. Le gaming social est omniprésent chez les consoles portables, puis je pense que ça va grandir. Ben, l'avantage de ça, c'est que ça se fait compétition aussi. Oui. Donc, quand il y a de la compétition, ça veut dire qu'il y a de l'amélioration. Ça veut dire que chacun des compétiteurs se force pour être meilleur que l'autre. Donc, c'est tout le temps win, ça, situations de même. Donc, tant mieux pour nous autres, dans le fond. Ben oui, tant mieux pour nous autres. Puis moi, j'espère qu'Apple vont la sortir leur console de maison. Ouais. Puis qu'ils vont faire compétition aux autres. Tant mieux s'ils le font. Mm. Tu sais, ça serait le fun d'avoir quelqu'un qui... T'sais, à la limite, qui est impartial et qui va pouvoir communiquer avec toutes ces compagnies-là, avec Nintendo, Microsoft, Sony, puis qui va pouvoir faire des deals avec eux autres, t'sais, puis ça pourrait être intéressant. Puis, pour finir, si iOS, c'est mieux que portable ou moins bon ou tout ça, je dirais que, pour ma part, il n'y a rien qui va jamais changer le fait que c'est le fun des boutons puis que c'est le fun de jouer avec une manette. Moi, ça changera jamais pour moi. Ah, c'est sûr. Si j'ai le choix, tu sais, si je pouvais être dans le métro ou n'importe où, puis que, paf, tu me donnes une console dans les mains, crème, je veux ma DualShock, tu sais, je veux jouer devant une grosse TV, je veux jouer devant une TV énorme, mais c'est pas le cas. Faut comme qu'on s'adapte tout le temps. Fait qu'à cause de ça, ben, on joue avec des consoles portatives, puis ça marche. Fait que je vais vous parler d'un jeu rétro. On va commencer ça de même, Colin. On va parler de nos jeux rétro parce que là, on s'est dit que ça serait le fun. Depuis le dernier épisode, je faisais un jeu rétro, un jeu nouveau. Puis moi aussi, maintenant. Puis toi aussi. PlayStation 3, c'est possible. Exact. Fait que ça, ou de jeux de Wii aussi, ou de 3DS. C'est ça, exact. Fait que c'est encore mieux. Donc, on va essayer de faire ça. Oui, ça va être pas mal le fun. Puis on va commencer ça avec... Scat, qui était sur Nintendo, ça veut dire Special Cybernetic Attack Team. Ah ouais. Puis ce que c'est exactement, c'est juste un jeu qui était aussi nommé en passant Final Mission au Japon. Ah ouais. Et Action in New York en Europe. Action c'est tellement poche comme c'est nom. C'est bizarre ça. T'sais, Action à New York. Puis ça a été développé par Natsume en 1991. On peut jouer à un ou deux joueurs. Ça, c'est dans le temps que Natsume faisait d'autres choses que Harvest Moon. Hein? Oui, parce que c'est ça. Si vous connaissez Natsume, c'est à cause de ça. Là. Mais, c'est vrai. Sachez que Natsume ont fait des bons jeux d'action sur le NES dans le temps, dont lui et moi, Shadow of... Ben lui, je sais pas, j'ai jamais joué. On va attendre de voir ce que t'as à dire. Mais moi, Shadow of the Ninja... Oui, je l'aime beaucoup, moi, ce jeu-là. Je l'ai découvert récemment. C'est très bon. C'est ça, fait que Scat, c'est un jeu à un ou deux joueurs, puis c'est aussi disponible en passant sur Virtual Console à 5$. Ouais. L'histoire, rapidement, c'est qu'on est en 2029, puis le commandant Ville Malmort, méchant nom weird, qui est un commandant extraterrestre, d'armée extraterrestre, qui examine les activités sur Terre pour pouvoir l'anéantir juste au bon moment. Anéantir la Terre. Oui, anéantir la Terre. Comment ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait tout le temps, Colin. Pourquoi ils veulent tout le temps, Chris? Je ne suis plus capable. Bref, c'est ça. On doit l'en empêcher, tout simplement. Puis, ce qui est très sympathique, c'est que dans ce temps-là, tu sais... Dans ce temps-là, c'était pas compliqué. Puis, non. Laissez-moi vous dire pourquoi c'était pas compliqué. Les deux personnages principaux, c'est Arnold et Sigourney. Mon Arnold est exactement pareil que Arnold Schwarzenegger quand tu check la face. On le voit ici, là. Né aux États-Unis. Ah oui, c'est pareil, là. Tu sais, 6 pieds 4, 235 livres. Un majeur, 34 ans. Il a la face d'Arnold ce temps-là. Pareil. Puis le deuxième personnage, c'est Sigourney. Elle a quand même un peu la même face aussi. Elle a la même face, c'est Sigourney Weaver. Mais ils disent que c'est ça, elle est canadienne. Crime! Hey, Canada, c'est quand même. Fait qu'ils ont choisi, ils ont choisi les deux plus grandes stars d'action à ce moment-là, la fille d'Aliens, puis le gars de Terminator. Fait que. C'est drôle parce qu'Arnold, l'américain, est en bleu, tu sais, puis Sigourney, la fille du Canada. Est en rouge. Puis c'est ça, ce que dans le fond, là, si je le résume là, en une phrase, là, je dirais que c'est contrat d'un air. Ouais, hein? C'est comme un espèce de mélange de contrat puis de Forgotten Worlds. C'était-tu quoi, Forgotten World? Le jeu que tu joues dans les airs, là. Burly Fighter? C'est ça, ouais. En tout cas, il y avait écrit, je vais être obligé de remettre la toune de Jeopardy parce qu'on trouve pas ça dans nos affaires. Attends, là. Mais sortir Burly Fighter. Burly Fighter, c'est pas lui, en tout cas. Moi, je pense que c'est Forgotten World. Check Forgotten World. Whoops. Worlds. C'est exactement ça, c'est Forgotten World. Ok. Ah, je suis content, j'avais raison. Forgotten World, c'est, quoi, ça, World, c'est, là, jeu c'est malade, ce jeu-là. T'as jamais joué à ça? TurboGrafx 16. C'est super bon. Mm-hmm. C'est vraiment bon. C'est comme Space Harrier, mais sur le côté. Oui, hey. Space Harrier, je cherchais ça aussi. Ah, mais l'autre Genesis aussi. Et l'autre Genesis, puis c'est drôle parce que dans Forgotten World, les personnages sont pratiquement identiques. Ouais, même shit. Ils ont le même saut, sauf que c'est ça, c'est deux dudes avec des lunettes. Anyway, on n'est pas là pour parler de Forgotten Worlds, on est là pour parler de Scat. Et puis, faites pas un search de Scat sur Google si votre filtre est à off, parce que ça va vous montrer plein de cochonneries sexuelles. Ou écrivez NES à la fin. Là. Ouais, écrivez NES, exactement. Ben, dépendant de quel genre de personne vous êtes. Ouais, c'est ça. Vous si vous voulez regarder de la porn, allez-y, là, on est ouvert à tout. Bref, là-dedans, comme j'ai dit, ce qui est le fun aussi, c'est que on vole, puis on a un système de pods. On a comme deux pods attachés à notre corps qui bougent sans arrêt, puis qu'on peut arrêter avec notre bouton A. Okay. Puis ils vont tout simplement s'arrêter dans la bonne position. Donc, des fois, on a des ennemis en avant, des fois, on a en arrière. Tu positionnes tes pods pour tirer dans la bonne direction. C'est ça, un peu comme dans R-Type. Est-ce que tu le fais souvent, tu sais, ou comme t'es tellement occupé à tirer partout que t'as pas trop le temps de manager tes pods? Non, tu le fais vraiment souvent. Okay. Puis, tu sais, il y en a qui vont avoir le réflexe en commençant le jeu de faire juste comme de la marche, je m'en occupe pas, ils vont juste se promener sans arrêt. Mais ton tir est tellement pas rapide que t'as pas le choix de les manager. Ouais, hein? Fait que ça demande quand même une certaine... ça demande bien du travail au cerveau. Parce que tu fasses deux affaires en même temps, puis aussi une autre affaire qui est pas évidente, c'est que t'as 6 barres d'énergie quand tu commences le jeu. Puis... c'est ça ta vie. That's it. Après tes 6 barres d'énergie, t'es mort, t'es game over. Okay. Sauf qu'il y a des continues à l'infini. En 91, on commençait à être brillant, puis on offrait des continues à l'infini. Ouais. Fait que c'est ça. C'est quand même bien. On peut avoir des continues à l'infini, puis ça va super bien. Les armes, très simples. On a le fameux pea shooter que tu tires avec ton bonhomme, puis ça avance pas plus qu'il faut. Il y a un laser. Il y a un genre d'espèce de widespread, un peu comme dans Contra, où tu tires, puis ça fait une espèce de grand V. Ouais. Puis il y a des bombes aussi. T'es pas comment ces armes-là? Ça tu les pognes, c'est ça, c'est dans les airs quand tu tires un ennemi, un peu comme dans tous les jeux du genre Life Force ou n'importe quoi. Tu vas tirer un ennemi, tu vas pouvoir ramasser ça. Il y a aussi de l'énergie que tu peux ramasser. Ouais. Donc ça peut t'aider à avancer dans le tableau. Tu peux-tu foncer dans les murs? As-tu des pics, tu sais, où tu peux te frotter à n'importe quelle surface sans danger? J'ai pas remarqué vraiment ça, mais franchement, j'ai trouvé que tu pouvais te frotter pas mal sur tout. Il y avait pas de problème. Une chose que j'ai trouvé bien comique quand même, c'est que, tu sais, ils disent que c'est une invasion extraterrestre. Ouais. Pis c'est juste des fucking robots que tu vois tout le long, tu sais. Il y a pas les extraterrestres envoient leurs robots, là. C'est ça, ils envoient leurs robots. C'est plus comme des UFO. Fait que ça... T'es-tu rendu le à jeu la est fin? Super le fun. Ben, je me suis rendu, je pense, au 4e level. Il y en a 5. Fait que j'ai quand même été popé. Puis t'as pas vu d'extraterrestre là, en chair? Là? Non, j'en ai pas vraiment vu. Ben, il y a un tableau. Dans le deuxième tableau, c'est comme une espèce de comment je pourrais dire ça? Ça ressemble à un gros cerveau bleu, le relief du tableau. Fait que on pourrait dire que ça, c'est extraterrestre. Mais c'est ça, c'est un jeu qui offre un grand challenge. Ben franchement, là, ça doit être dur. C'est vraiment dur. Puis c'est un jeu qui a été fait pour jouer à deux, ben franchement. Oui, hein, c'est multijoueur. C'est multijoueur. C'est-tu online? C'est-tu en non, ligne? Non, c'est pas en ligne. Pas en ligne. Carré, en 91, qu'est-ce qu'il faisait? Mais non, mais, mais c'est ça, c'est à deux, là, vous allez pogner un méchant trip parce que si vous aimez Contra, puis qui n'aime pas Contra, es-tu vraiment quelqu'un? S'il y a quelqu'un qui n'aime pas Contra, s'il vous plaît, envoyez-nous un email, un Twitter ou un Facebook. On va rire de vous. Oui, c'est ça, on va rire de vous. On va vous envoyer une photo de nous autres qui vous pointe du doigt en riant. Oui, on devrait en faire ça. quand on va être assez big, on va être dans la conférence, ouais. On va signer des autographes, on en fera des photos de nous autres qui pointent. On va pointer, va. c'est ça, fait que finalement, c'est vraiment un super bon jeu. As-tu essayé à deux un petit peu quand même? Oui, j'ai joué à deux. Avec ta blonde, genre? Non, pas avec ma blonde. J'avais acheté ça avec un chum qui est venu chez nous. Okay. Non, mais même pas. J'ai jamais eu, en passant, c'est vrai, j'ai jamais eu la copie originale. Ce jeu-là, je l'ai découvert sur Retro Rock Console. Ah oui? Oui. Puis, t'as fait la découverte d'un jeu de 1991, genre, cette année. Oui. C'est beau, ça, du monde qui s'ose de même, qui ose dépenser un petit 5$ pour voir un classique. Moi, l'affaire, c'est que j'aime le Nintendo. Puis là, je parle pas de la compagnie ni rien. J'aime le Nintendo Entertainment System. Ouais. Inconditionnellement. Là. Je trouve tellement. Moi, je trouve que c'est la console. Ben, en tout cas. Il y a une signature. Elle est complète, hein, puis il y a une signature, puis le library est gigantesque. Puis c'est cool, tu sais. Il y a tout le temps quelque chose de similaire que tu retrouves dans tous ces jeux-là. Tu sais, le graphisme, tu sais, il utilisait tout le temps à peu près les mêmes sprites, puis la musique, tout. Je veux dire, ça me rejoint, puis le système de jouabilité, tu sais, les boutons, on crime, t'as deux boutons, puis ta croix, ça, ça me plaît, ça. C'est le fun, tu sais. Puis ça joue super bien avec la Wii en passant quand même, parce que juste avec la manette de la Wii tournée sur le côté, c'est génial, ça va super bien. Puis en fin de soirée, veux pas, après une game de Call of Duty ou whatever, c'est le fun de se taper un petit jeu rétro, ça détend, tu fais comme tabarnouche, il niaisait pas avec le POC dans ce temps-là, j'ai pas besoin de faire de tutorial, je sais comment ça marche. Ah, ouais. Fait que bref, SCAT, excellent jeu à acheter vraiment, ça coûte 5$, c'est pas compliqué. Puis, bref, je voulais dire, là, je sais pas si t'as du son, là, mais la musique, elle est mongole, est vraiment, vraiment, vraiment bonne. Ah ouais? Parce que la musique de Shadow of the Ninja là, au NES était tellement, tellement bonne. Là, okay. C'est vraiment bon. Là. Ah non, parce que ça, c'est super bon. Ah oui, puis la pochette est écœurante. La pochette est quand même cool. Ouais, c'est comme Chuck Norris avec une méga moustache puissante. Ah ouais. Puis ce qui est drôle, c'est que une fois de plus, on parlait de Renegade la semaine passée, que le gars, c'est un homme d'affaires qui est habillé, puis finalement, c'est un bum en froc de cuir dans le jeu. Ben là, c'est un dude, puis il a les cheveux bruns. Ouais, il a les cheveux bruns, puis il y a une femme aux cheveux blonds, puis son saut est vert, puis la femme, son saut est blanc. Ouais. C'est pas en tout ça qu'on retrouve. Ah non, tout à fait. Vraiment, là, le briefing des illustrateurs, là, c'est n'importe quoi. Mais aussi, ils connaissaient leur public, tu sais. Ouais, ils disaient, bon, ben regarde, on fait. Puis aussi, ils disaient, on envoie ça en Amérique du Nord, mets-le des vedettes d'action. Ouais, on envoie ça au Japon, mets-y un Japonais, tu sais. Ou mets-y un Américain parce que les Américains. Oh, Arnold! Fait qu'on voit ça ici sur eBay. Là, ouais, c'est vrai, il est combien? Complet, il est 25,30, là, mettons le meilleur deal. C'est pas cher! C'est pas cher, mais c'est pas peu cher non plus. Okay. T'as des jeux de NES complets, tu sais, pour 5$, 10$ des fois. Celui-là, à 25$ usagé, c'est quand même un peu surprenant. C'est un foutu bon jeu. Ben, franchement, là, c'est un hidden gem. Complet ici, là, 40 même. Non, c'est un jeu que ça a quand même une certaine petite valeur. Là. Ouais. Si vous le trouvez, vous l'achetez. Mais tu sais, moi, regarde, je l'ai essayé. C'est dommage, parce que j'aurais voulu l'essayer avec plusieurs personnes. Là. Je l'ai essayé avec une personne, puis il a trippé au bout. Là. Ouais. Tu sais, j'essaie de mettre du son. Là. Il y a bien des special effects. Quoi. Ouais. Mais la musique, là, c'est dans le style de ce qui se fait avec les jeux de Konami, entre autres. Ça me fait bien gros penser à ça. Puis tu le vois, là, le jeu est littéralement, là, c'est un rip-off de Contra, mais un superbe rip-off. Là. C'est vraiment bien, bien, bien, bien fait. Puis vous allez avoir du fun à ça, à deux. Génial. 5$, pas cher. Pas cher. J'ai aucune idée. Tu connais pas ça, ce jeu? Je suis pas allé rien voir, en plus. All right. Vas-y, excuse. Tu comprends ça au montage. Ouais. Ou peut-être pas. OK, donc c'est à mon tour d'enchaîner avec mon jeu rétro de la semaine, un jeu de Genesis. Je suis content de faire un jeu de Genesis. Ouais, c'est le fun, ça. Parce que j'étais Nintendo quand j'étais jeune, j'avais Genesis depuis pas longtemps, comme j'ai déjà dit. Puis, j'aime ça parler de plusieurs consoles. Donc, un autre jeu de Genesis pour moi. Puis, c'est un jeu qui est pas, je pense, très, très connu. Donc, raison de plus pour en parler, c'est McDonald's Treasure Land Adventure. C'est pour ça qu'il n'est pas très, très connu. Qui c'est qui veut s'acheter un jeu de McDonald's? McDonald's, les restaurants, là. C'est un jeu qui écoute, là. C'est sûr, ça fait peur, là. Vient-il avec le McValeur? Ou... Non, il vient avec rien. Rien. En fait, c'est surprenant, ce jeu-là, parce qu'il n'y a aucunement question de nourriture dedans. Okay. Tu ne te promènes pas dans les frites, puis tu ne pognes pas des hamburgers. T'sais. Encore une fois, peut-être parce que ça aurait été une publicité directe, ouais. Puis il n'y avait pas le droit. Je ne sais pas comment ça marchait dans ce temps-là. Mais justement, la compagnie Treasure... C'est Treasure qui a fait ça, attention, bon parce que Treasure, là, c'est Gunstar Heroes. C'est ça, exact. C'est des gros, gros jeux Treasure. Fait que c'est vraiment pas n'importe qui a fait ce jeu-là, étrangement. Puis, c'est pour ça que c'est cool d'en parler, parce que c'est un bon jeu. C'est un bon jeu de McDonald's. Ben, tu sais, au début, quand, par courriel, tu pensais que j'allais parler de McKids. Ouais, parce que j'ai aimé, moi, McKids. Ben, moi aussi, je l'ai aimé. C'est pas fait par Treasure, par exemple. Ouais. Mais étrangement, je sais pas ce qui arrive avec McDonald's, mais quand font des jeux, des jeux vidéo, c'est bon. McKids, c'était bon. Puis Treasure Land, comme ça, c'est vraiment très bon. Donc, ça a été fait en 1973. 93! 73, sorti 20 ans plus tard sur Genesis, ça a pris bien du temps à développer. Fait que, dans le fond, c'est un platformer, vraiment. Oui. Tout ce qu'il y a de plus platformer, là, vraiment, vraiment chouette, très coloré. Puis, t'es Ronald McDonald. Ah ben, calvasse. Ouais, écoute la musique. Ça ressemble à Sonic. Ça ressemble tellement à Sonic. Il y a énormément de graphisme qui est emprunté à Sonic là-dedans. Ah, ben raide. Les formes géométriques, un petit peu le ton de la musique, je trouve. Ouais. Les paysages, tu sais, grands, là, ça, il y a beaucoup, beaucoup de Sonic là-dedans. Tu sais, les arbres, là, pointus, ouais. Tu sais, étoiles, ouais. Les formes géométriques. C'est très Sonic, tout ça, puis ça fonctionne très bien. Fait que c'est ça, dans le fond. T'es Ronald McDonald. Qu'est-ce qu'il fait, dans la forêt. Comment ça se fait qu'il est là? Ben, on va te le dire. Il se promène dans la forêt, comprends-tu? Puis ça donne qu'il trouve un bout de carte au trésor à terre, comme ça, au pied d'un arbre. Okay. C'est le corps d'une carte au trésor. Okay. Fait que là, il se dit, ben, m'en aller chercher les autres bouts de la carte. Puis là, il regarde son bout de carte, ça le mène à une place. Puis là, après ça, tu fais le tableau, là, tu fais cet univers-là. Puis après ça, tu bats le boss, puis tu te donnes un autre bout de la carte. Et comme ça, tu fais toute ta carte. Puis, c'est ça. Donc, c'est ça qu'il faut que tu fasses. T'es Ronald, t'avances, tu sautes comme un platformer. Ouais. Mais t'as aussi un foulard. Ça, c'est bien le fun. Je vais baisser ça un peu. T'as un foulard qui sort de ta manche que tu peux juste tirer par le haut. Ça, ça permet de t'agripper à des gens. Un grappin, carrément, dans le fond. Un foulard grappin qui s'accroche à des gens de poignée, tu sais. Donc là, il y a une certaine longueur aussi. Mettons, t'es accroché verticalement. Ben, t'es tout le temps accroché verticalement. Tu peux comme allonger puis ratisser ton foulard. Là, tu peux penser à Restart, ça. Ben, j'ai jamais joué à Restart d'ailleurs, puis ça va me le prendre parce que c'est un must au Genesis. Je l'ai, Restart. Tu l'as? Top notch. Virtual Console. Oui. Ah ouais, c'est ça. Hein. Moi, j'aimerais ça avoir l'original pour booster ma collection de Genesis. Donc, c'est ça que tu fais, dans le fond. Puis, tu ramasses. Ta life, c'est des Joe. Tout est basé là-dedans autour des joyaux, là, des Joels. Puis, c'est pas des burgers. Ben, c'est ça, hein. Pour moi, il n'y avait pas le droit. Puis il se bat contre une citrouille. Ouais, ben, il se bat contre toutes sortes d'affaires, mais on va te le dire, là. Là, ce que tu vois là, par exemple, je vais en parler tantôt, c'est assez fucked up. Donc, c'est ça, t'as des Joels, puis tu ramasses des fleurs oranges, des fleurs blanches, puis quand t'as deux fleurs oranges, ça te redonne un Joel. Mettons, des Joels, tu peux en avoir jusqu'à... C'est ta life, tu sais, t'en as 8. Puis deux fleurs blanches, trois fleurs blanches, t'en redonnes un autre, puis deux fleurs oranges, t'en redonnes un autre. Ça sert juste à te donner de la life, ça, finalement. Okay. Tu ramasses des ballons aussi... qui fait que quand tu tombes dans un trou, tu sais, tu tombes pas, tu ressors du trou avec tes ballons. Puis tu ramasses de la magie pour booster ta magie, parce que là-dedans, tu jettes comme des tu tires de la magie, des petits sparkles d'étoiles. C'est ça que tu fais là, pour tuer les ennemis, là, finalement. Fait que puis tu ramasses des vies, puis tu ramasses des continues aussi. Okay. Fait que ça, c'est ce que tu ramasses en passant à travers les tableaux. Donc, les tableaux sont très variés. Là. En même temps, tu as 4 mondes, ben 5 avec le dernier. Tu sais, en même temps, c'est basic. Là. La forêt, après ça, tu es sur un train. Le tableau de train est sur rail. Puis c'est le seul qui l'est. T'es dans la ville, après ça, t'es sur la mer avec les dauphins. Là, t'embarques sur le bateau serait coulé. Puis là, après ça, tu sors de là, t'es rendu sur la Lune. T'sais, t'as besoin d'aller sur la Lune parce que la carte au trésor te mène sur la Lune. Tu vas voir le professeur McDo. Tu sais, le personnage est McDo. Oui. Professeur McDo est là, il te fait une fusée, tu pars avec, tu t'en vas sur la Lune. Je te jure, tu fais tout les temps là-dedans. Là, tu te promènes. C'est tellement varié. Mais en même temps, c'est ça qui est agréable. Ouais. C'est tellement pas redondant, l'univers. Puis c'est tellement pas. C'est tout le temps nouveau. Là. Puis les tableaux sont entrecoupés par des petites scènes, tu sais, mettons, T'es sur l'île, justement, puis tu te promènes sur les dos de dauphins. Après ça, t'atterris sur un bateau, tu fais un peu le bateau. Là, le bateau se fait couler, tu te ramasses en dessous de la mer. Tu sais, t'es tout le temps... Ton personnage se fait garrocher d'un bord puis de l'autre à travers les... Cool. Fait que ça coupe les tableaux comme ça. Donc, non, c'est jamais... Non, juste en regardant les images de même, ça change tout le temps. C'est vraiment le fun. Vraiment. C'est riche visuellement. C'est là, pour, très, très riche. Ce temps-là. Puis, c'est un... Puis, il y a des affaires bizarres qui arrivent, justement, comme dans le tableau sur rail, le train, tu sais, tu passes au travers du train, à un moment donné, tu rentres dans un tunnel, puis c'est tout noir, puis il y a juste des lumières qui passent, tu sais, parce que le train, il passe, puis il y a des lumières des fois. Okay. Ben, ça, c'est super bien fait, puis après ça, whoop, il y a comme des danseuses de ballet, tu sais, en arrière du train. Là, ils se mettent à tourner sur place comme un signe, tu sais, la danse du ballet, signe. Puis tu leur sautes sur la tête, tu sais, puis il y a de la musique aussi, du lac des signes au travers. Ben, c'est tellement fucké, mon gars. C'est cool, ce jeu-là, mais c'est fucké, BRN. Les personnages, les monstres, les ennemis, tu sais, c'est pas... sont cute. C'est bizarre, c'est pas non sont, plus... Ils sont tordus un peu, ouais. Là. Tu pourrais pas dire ce que c'est, tu sais. C'est que j'ai une grosse boule jaune qui a de l'air d'une abeille, mais qui marche, tu sais, mais qui a pas de bras, mais qui a comme une tête de ils sont vraiment weird. Tantôt, souris, l'autre, ça avait l'air d'être un cornichon. Ouais, c'est un cornichon avec un parapluie. C'est bizarre, mais moi, ma question, c'est est-ce que Grosse Douceur est là-dedans? Grosse Douceur est là, parce que, dans le fond, chaque monde a un personnage dedans. OK. Et quand tu les rencontres, t'échanges des Joels, donc tu leur échanges la life. Donc, des tips, des secrets, là, ils vont t'aider. Okay. Donc, t'as le burglar, là, le voleur de burger. Ouais, il dit comment tuer le boss, là, quand il donne ses deux Joels. Après ça, Zoiseau. Elle s'appelle Zoiseau. C'est celle-là qui veut, l'oiseau, là, qui elle vient de se courir, là. À un moment donné, tu drops de super-héros, puis elle vient de pogner à la dernière minute. Je sais pas ce que ça fait si tu vas pas la voir, par exemple, puis elle te laisse-tu tomber, tu perds-tu de la lèvre. Je l'ai pas essayé, parce que je suis passé par là. Puis Grosse Douceur est là, lui, il dit par où passer. Donc, les personnages sont là, tu peux pas les jouer, mais tu les croises. Fait mais c'est le fun, c'est un bon clin d'œil. C'est vraiment un bon clin d'œil. Puis, écoute, il se passe tellement tout le temps d'affaires partout, puis le graphisme, ça vient des fois un petit peu mélangeant parce que tout est au même niveau, tu sais, de couleur. Des fois, tu sautes dans un trou, t'es dans un trou, y a-tu un boss, tu sais, ça... On dirait que des fois, ben, tu te fais toucher à des places des que fois, c'est tu saurais. Trop, tu sais pas que tu te fais... T'sais, tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends des fois, c'est bien. Le fun qu'il y ait de la lumière. T'as pas de profondeur. Jeu, hein? Tout est éclatant. Oui. Ça allume, là, dans le premier tableau, ça allume. T'es comme dans l'espace. Il y a un background étoilé. Je te jure, c'est un bordel visuel. Tu vois rien. Tu sais pas trop. T'es où? Dans le vaisseau spatial, c'est parce que tu peux dropper des plateformes, passer au travers de d'autres plateformes pour monter, pour progresser. Puis à un moment donné, là, on dirait que tu ne sais plus où aller parce que tout est égal, là, justement. Ouais. Il aurait fallu que les plateformes que tu peux passer au travers soient un petit peu plus différentes des autres. Là, t'sais, là, c'est comme pas assez. Là. Donc, c'est un peu confusant pour ça. Mais quand même, on s'en sort. Oui, on s'en sort. Puis dans les stages, il y a aussi il y a deux affaires. Il y a des shops. Parce que tu ramasses de l'argent aussi, j'ai oublié de le mentionner, là, tu ramasses beaucoup d'argent, puis quand tu rentres dans le shop, tu peux t'acheter des fleurs pour finir tes kits de fleurs en bas pour te redonner de la life, tu peux acheter de la life carrément aussi, tu achètes de la vie, une vie de plus, des ballons, tout ça, donc ça c'est quand même cool parce que tu ramasses d'argent. Si tu achètes des fleurs pour faire ta vie, c'était pas les diamants tantôt, là, l'énergie? Ben, les diamants c'est ta life, mais tu vois ici, vous pouvez pas le voir, tu as deux slots. Okay. De vide pour deux fleurs oranges, puis tu as trois slots de vide pour des fleurs blanches. Okay. Puis, quand tu as pogné trois fleurs, il te redonne une life. Okay. Tu comprends? Mais tu comprends, mais en même temps, c'est niaiseux. Ouais, tu comprends. Ils ont fait un système aussi fucké que ça. Je ne sais pas c'est quoi le but. Même c'est que la première fois que j'ai joué, j'avais aucune idée à quoi ils servaient les fleurs. C'est sûrement ma deuxième game, tu sais, que je me suis vraiment attardé comme faut à voir qu'est-ce que ça fait, ces fleurs-là. Pour là, j'ai vraiment compris, tu sais. Ben, quand même. Mais eux autres, il y avait peut-être un livret d'instructions. Ouais, il y a ça. Mais c'est ça. Donc, il y a des shops, comme je disais, mais il y a aussi un jeu de Dr. Mario / Tetris bizarre c'est que tu peux cool, jouer ça. Pour 2000$. Non, c'est pas cool parce que il est mal fait. Okay, les blocs poche. Tombent, c'est trois blocs collés ensemble. À Dr. Mario, tu sais, la pilule, elle a deux côtés, mais là-dedans, les trois blocs, c'est trois blocs. Okay. Puis c'est tout le temps trois blocs. Des fois, une barre droite, sinon, ça fait comme des coins, tu sais. Puis ça ne fit jamais, là. Okay. Puis quand tu réussis à faire une ligne, il faut que tu mettes trois items pareils. Ça flash sur le côté, tu sais, t'as comme éliminé, mettons, cet item-là. J'écoute, ça coûte 2000. Dans le jeu, ça coûte super cher jouer à ça. puis ton là, argent... Tu te sens mal d'avoir dépensé ton cash là-dessus. Oui, t'aurais pu t'acheter une vie avec ça, tu sais, même deux. Puis, tu sais, désolé, je sais pas qu'est-ce que ça fait. J'ai pas réussi à me rendre assez loin parce que c'est tellement mal fait, puis ça va tellement mal. Fait que le jeu est bon dans l'action, mais pas n'importe quoi. Ben, ça, c'est une mini partie du jeu, là. T'es même pas obligé de jouer, là. Okay. Quand tu rentres dans la porte, tu te dis, ah, oh, fuck, c'est un jeu. Ah, oh, non, on m'en va d'ici. Fait que ça, c'est un mini-game, mais totalement inutile. Il aurait jamais dû mettre ça, là. Moi, j'ai trouvé ça vraiment pourri. C'est poche. Mais puis c'est dommage, ça se scrape un peu, tu sais, en tout cas. Puis, il y a des affaires drôles aussi, comme je disais, des affaires fuckées, des bonhommes fuckés là-dedans. Je voulais juste revenir. Dans l'espace, au lieu d'avoir des trappes avec des pics, tu sais, les fameux pics, tu tombes dedans, tu piques, c'est des mains gantées, man. On dirait qu'ils te chatouillent. Ils ont une pointe, là, puis c'est vraiment drôle. En tout cas, je vais avec ça. Fait que dans le fond, quand tu commences à jouer, ça, c'est par défaut à beginner. Moi, je l'ai mis à normal, je joue à normal. Ouais. J'ai trouvé ça très facile. Passer au travers, là, ça n'a vraiment pas été long. Fait que là, j'ai même pas pris de continu, tu sais. Puis j'ai comme passé au travers d'une fête. J'ai perdu des vies, mais tu sais, t'en gagnes beaucoup des vies. Ouais. Fait que, ça, c'est vraiment pas compliqué. Puis donc, je l'ai mis à hard après, à expert. Puis c'est vraiment, vraiment plus difficile à expert. Okay. Donc, t'as des continues. Tu as des passwords, ça c'est parfait, ça te permet de progresser très bien. Puis quand tu finis le jeu, tu te rends compte que tout ça n'a comme servi à rien. Tu as ramassé toutes tes pièces de casse-tête. Là, tu t'en vas pour le trésor. Tu sais, là, le but de ça, c'est le trésor au bout. Fait que tu arrives sur la lune, tu bats le boss de fin de la lune. Là, il dit « Ah, prends le trésor, prends le trésor. Tu m'as battu. » Il dit « Ah, non, non, moi, je ne suis pas ici pour le trésor. On est comme pris sur la lune. Je suis retourné chez nous. » Le gars, il dit « Ben, c'est parfait. Je vais te faire prendre un vaisseau spatial. Retourne chez vous. Merci, bye. Retourne chez vous. » Fait que tu sais, t'as pas la peau du gain, tu sais, tu pars pour le trésor. T'sais, c'est peut-être une leçon pour les jeunes. En tout cas, tu fais le tour du monde, tu sais, t'es avec ta map, tu chasses le trésor, tu sais pas si c'est la lune, t'es devant le trésor, tu le refuses, tu veux juste retourner à la maison. J'ai trouvé ça un peu gain. Mais puis à la fin de tout, t'as une dernière snapshot là, avec toute la gang McDo, là, les petits bonhommes frites, tu sais, tous les personnages. Mais pas comme fait en dessin de jeu vidéo, tu sais, comme une photo qu'ils ont essayé de rendre réelle, tu sais, avec les pixels. C'était quand même bien fait. Ça sympathique. Donc, dans l'ensemble, c'est pas mal ça pour Ronald McDonald cool, Genesis. Jeu. C'est très, très cool. Puis, c'est à peu près complet sur eBay, à peu près 20$. Okay. Tu sais, ça, c'est en bon état complet, toute la patente. Je pense que ça vaut la peine, surtout à expert. Là, quand tu joues à expert, tu as vraiment plus un challenge. Mais juste pour la beauté, pour le fun, parce que c'est tellement sympathique, c'est un petit peu rare, mais bon, en même temps, pas tant que ça. Puis c'est fait par Treasure. Ouais, Treasure, c'est de la bombe. Là, c'est un jeu au Genesis. C'est un beau petit hidden gem. Ah, nice. Donc, moi, je vais vous parler de mon jeu nouveau de la semaine. C'est un jeu qui se retrouve sur le PlayStation Network. Et c'est un port d'un jeu de PC. Ah oui? C'était Rocket Bird Revolution. Puis là, cette version-là, ça s'appelle Rocket Bird's Hard Boiled Chicken. Fait que poulet bien cuit. Ouais, c'est ça. Bien bouilli. Ouais, bien bouilli, devrais-je dire. Mais en fait, c'est pas un port direct de la version PC. Ils ont rajouté beaucoup de choses dans ce jeu-là. Ils ont rajouté des tableaux, ils ont rajouté un mode co-op. Ils ont changé certaines choses dans les tableaux. Donc, c'est vraiment la version définitive. C'est développé par Ratloop Asia. Qui est un développeur indépendant qu'on n'a jamais vu en Asie. Ils font... C'est un nazi. Puis en plus, il y a des... Il y en a comme des poulets qui ont l'air un peu nazis. Ouais, ben c'est ça. Il y a comme un japonais, parallèle. C'est l'armée japonaise. Il y a un parallèle avec les nazis là-dedans. Mais c'est pas des vrais nazis. Non. Fait que c'est ça. Ça joue à un ou deux joueurs. Puis on peut jouer en ligne aussi. Puis c'est disponible sur PlayStation Network pour 12$, donc quand même un très bon deal. Je pense qu'il va venir aussi sur XBLA dans une date ultérieure. Ratloop n'a pas encore dit ce qui se passait avec ça. Ce que c'est qu'on incarne Hard Boiled, c'est un poulet rebelle qui veut détruire l'armée pingouin. En fait, on voit dans l'histoire qu'il a été recruté étant jeune, étant petit, puis par les pingouins. Puis c'est finalement retourné vers eux quand il a vu tout le mal que les pingouins faisaient. Dans ce jeu-là, on retrouve beaucoup de, de, de scène entre les tableaux qui nous aide à comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement là-dedans. C'est le fun, ça. Puis c'est vraiment bien fait. Ces scènes-là sont faites comme des vidéos musicales, vraiment, parce que c'est un band qui signe la musique. Ça s'appelle New World Revolution. Puis c'est vraiment bon parce que les paroles ont tout le temps un rapport avec ce qui se passe dans le jeu. Fait que c'est vraiment une trame sonore qui est dédiée au jeu, mais c'est pas une trame sonore instrumentale, chose qui est pas facile à trouver dans les jeux vidéo. Des jeux que c'est des bands qui ont fait la musique, puis qu'en plus de ça, ils ont un propos qui a rapport au jeu, c'est très rare. Bon, là, je vous ai parlé de tout l'enrobage. Je vais vous parler du jeu. Ben ça oui. fait un bout que je vous parle d'enrobage. Le jeu, ça me fait penser un peu à un mélange de Shank et de Oddworld Abe's Odyssey. Ouais, le graphisme me fait penser à Shank beaucoup, beaucoup. Oui, vraiment, parce que c'est de l'animation traditionnelle. Ouais. Fait que c'est vraiment, les animations sont vraiment écœurantes. C'est super beau. C'est comme un cartoon. C'est ça, c'est vraiment comme un cartoon. Puis là-dedans, c'est un mélange d'action, de jeu de plateforme, puis de puzzle. Puis on avance là-dedans avec un fusil. Après ça, on va pouvoir ramasser d'autres armes comme une mitrailleuse, un lance-roquettes. On va pouvoir ramasser aussi des grenades. Puis finalement, on mitraille des pingouins, tout simplement. T'es un one-man army, là. Oui, t'es vraiment un one-man army. Sauf plus tard dans le jeu où il va y avoir d'autres membres de la Révolution, de la Résistance, qui vont joindre à toi pour tirer les ennemis. Okay. Puis c'est le fun aussi parce que des fois, tu vois, c'est un jeu excessivement violent en passant. Ouais. C'est vraiment, là, quand tu vois les bonhommes, c'est tout cute. Mais tes tirs d'en face, puis ils saignent sans bon sens, puis ils revolent dans les airs. Fait que c'est vraiment un jeu qui est violent. Puis même qu'à un moment donné dans le jeu où tu mitrailles des ennemis, puis tu vois justement les autres de la résistance qui essaient de t'aider, puis qui se font mitrailler pendant que toi, tu montes l'ascenseur, tu sais. C'est vraiment graphique, là. C'est vraiment intense, quand même. Ouais. Fait que c'est ça, tu peux... pour ramasser tes munitions, tu ramasses les munitions des ennemis. Donc, dès qu'ils tombent, tu ramasses le balle. OK. Puis, là-dedans, il y a aussi du... Il y a aussi du puzzle. Il y a des petits puzzles, comme, admettons, tu peux ramasser une caisse pour monter plus haut, ce genre d'affaires-là, savoir quel switch peser pour pouvoir se rendre à telle place. C'est pas... Ben franchement, là, c'est pas l'affaire la plus compliquée qui existe côté puzzle. Les puzzles ne m'ont jamais donné les maux de tête. J'ai jamais eu vraiment de misère. C'est pas la base non plus. C'est ça, c'est pas la base. T'sais, c'est là, c'est le fun, mais c'est pas ça le jeu nécessairement. Okay. Ce qui est le plus fun, c'est vraiment de mitrailler les ennemis parce qu'il y a différentes sortes d'ennemis. Il y en a qui ont des boucliers, il y en a des plus gros, des plus petits. Puis des fois, ils sont chacun de chaque côté, puis ils tirent. Puis toi, il faut que tu te retournes sans arrêt pour tirer l'autre parce que tu peux pas tirer à deux bras comme dans Shank. Okay. Fait que t'as vraiment une stratégie à apporter là-dedans. Des fois, il faut que tu y ailles furtivement aussi parce que tu t'infiltres dans leur base. Puis, j'ai trouvé ça bien le fun parce qu'il y a aussi une grenade qui est une grenade que, quand tu lances, ça lance un fumigène qui va prendre... tu vas prendre possession du corps d'un autre, d'un autre pingouin. Fait que là, tu vas utiliser un ennemi, là, il va aller devant les autres ennemis, puis il va s'infiltrer pour aller, mettons, tirer un commandant pour pouvoir peser sur une switch pour que tu puisses passer. Wow. Puis, dès le moment où tu décides que c'est terminé, toi, tu décides que ton contrôle est terminé, il se met le gun sur la tente, Tu te défonces. C'est donc bien hot, ça. C'est ton bonhomme, il fait quoi pendant ce temps-là, lui? Ton bonhomme, il attend, tu le vois pas, il est pas à l'écran, il attend que cette passe-là soit finie. C'est quand même très cool. C'est vraiment très cool. Puis une autre affaire qui est écœurante, c'est qu'il y a certains tableaux qui se passent en jetpack. Ouais. Puis les jetpacks... Prenons une petite gorgée. Excusez, une petite gorgée. les jetpacks, c'est vraiment le fun, là. C'est un tableau qui se passe complètement dans le ciel, puis t'as des espèces de zeppelins qui se promènent dans les airs, puis ils lancent des ennemis sans arrêt, puis là, tu sais, les ennemis dans les airs, puis tu détruis les zeppelins. J'ai trouvé ça hyper original, puis tellement le fun à contrôler. C'est tellement beau aussi. Oui, puis ça se contrôle là comme un charme, comme on dit. Les contrôles sont parfaits, c'est super bon. Ce jeu-là, là, dans le fond, probablement son plus grand problème, c'est qu'il n'est pas assez difficile. Ah ouais? Le challenge n'est pas énorme. Par contre, c'est une campagne solo qui dure environ 5 heures, entre 5 et 6 heures. Quand même. Fait que c'est quand même bon pour un jeu en téléchargement. Puis, tu sais, tu as du fun tout le long. Là. Tu peux la, c'est sûr que tu peux la finir, en 3h30, admettons. Ouais. Mais si tu découvres toutes les affaires puis tu te rends fin, ça peut te prendre à peu près 5 heures. Mais l'histoire est intéressante. À toutes les fois qu'il y avait un pingouin qui parlait, je lisais ce qui était écrit parce que c'était tout le temps c'était tout le temps brillant. Les dialogues sont écœurants. Puis il y a comme une espèce de côté d'humour noir là-dedans que j'aime énormément. C'est vraiment là. C'est un humour à la limite à la Tarantino. Ça me fait penser à Inglourious Basterds. Oui, un peu. Il y a vraiment. Puis les boss aussi, les boss sont super le fun à attirer. Il y a quelques boss là-dedans. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a, il y a un mode co-op. Okay. Puis le mode co-op, juste à la place de dire, ben, on va mettre un autre poulet là, puis vous allez tirer ensemble, vous allez avancer. Ils ont fait une autre histoire pour le mode co-op. Ah, cool. Ça me rappelle évidemment Shank, parce que Shank, quand tu joues en co-op, tu avais une autre histoire avec d'autres personnages. Ouais, ils ont fait la même chose là-dedans. C'est d'autres personnages, c'est des membres de la Révolution qui vont aller sauver quelqu'un au lieu de juste se combattre contre les pingouins. Fait que ça, j'ai trouvé ça cool. Il y a beaucoup de contenu là-dedans. On peut jouer en ligne. T'sais. Ils te donnent le plus qu'ils peuvent. Puis il y a beaucoup de tableaux. La musique est bonne, le graphisme est bon. Il coûte 12$ présentement. Peut-être un petit peu élevé pour ce genre de jeu-là. Ouais, hein? Peut-être qu'à 10$, je pense, ça serait plus facile de le vendre. Ça a l'air niaiseux 2$, mais non, j'ai l'impression que certaines personnes... Ça fait une différence dans la tête, là. C'est ça. Il y a la différence du 9,99, 11,99. Ouais, le monde ne sera jamais trop sûr. Mais ça vaut totalement la peine. Si vous êtes tout seul et vous voulez un bon jeu d'action... Acheter ça, c'est vraiment... C'est de la bombe. Moi, j'ai vraiment adoré le jeu. Puis là, j'ai hâte de le réessayer en co-op, vraiment, parce que je vais le redécouvrir une deuxième fois. L'ambiance est vraiment belle, là. C'est totalement, genre, contre les nazis, Deuxième Guerre mondiale. Oui. C'est dans ce beat-là, là, carrément. Là, on voit du jetpack. C'est-tu comme ça que ça joue, genre, de loin? Ou le ça, c'est vraiment le trailer qu'on voit là? Non, là, tu vois le trailer, mais quand tu vois le gameplay de jetpack ressemble un peu à ça. Okay. C'est super beau, là, vraiment. Là. Visuellement, là, c'est impeccable, ce jeu-là. Il n'y a absolument rien à se reprocher. Puis dans les Zeppelins, en plus, ce qui est le fun, c'est qu'il y a des gros écrans. Puis tu vois l'espèce de commandant qui crache dans son micro pour envoyer les autres, tu sais. Puis là, Hitler, le boss, là, le parfum, là, on voit son gros portrait, on dirait, à des places. Là, oui, puis il a l'air innocent. Il a l'air d'une espèce d'imbécile avec un petit impérial, tu sais. Ouais. Fait que, non, vraiment, dans le nom de ça, vous n'allez pas le regretter. Il y a un démo présentement disponible, donc vous pouvez déjà voir si ça vous intéresse. Et puis, évidemment, comme la plupart des démos... tu télécharges le démo, si le jeu t'intéresse, tu le débarres, ça pèse 6K, puis t'as le jeu complet déjà. Fait que tu downloads le jeu complet au final. Ouais. Mais quel jeu, vraiment, là, je suis super content d'avoir téléchargé ça. Excellent jeu. Alright, bon, c'est à mon tour avec mon jeu nouveau de la semaine. Donc, pendant que tout le monde se garochait au EB Games l'autre mardi pour acheter Battlefield 3, ce qui est tellement, totalement, aucunement mon style de jeu, moi, j'étais là pour acheter... en fait, j'étais là par accident, mais je voulais acheter Aliens Infestation. Mais j'ai découvert, puis je savais même pas, que Kirby Return to Dream Land était déjà sorti. Eh oui! Donc, j'ai acheté Kirby pendant que tout le monde achetait Battlefield. Moi, j'ai acheté le petit bonhomme rose qui gonfle. C'était merveilleux parce qu'il y avait un deal au EB Games que quand tu achetais Return to Dreamland, il te faisait Epic Yarn à 10$. OK. Fait que tu as les deux Kirby à Saoui pour 30$ chaque, finalement. C'est génial, c'est un excellent deal. Epic Yarn, il est bon. Il est très bon. Puis, il se vend encore usagé, genre 40$, tu sais. Donc, avant qu'il descende à 10$, là, on parle de plusieurs années. Ben oui, Donc, un excellent deal. Fait que je suis sorti de là, j'ai tellement hésité, là. J'étais comme, je vais pas acheter les deux Kirby. Je suis venu pour Aliens, tu sais. Tu sais ce que c'est, ça m'en empêche. Donc, de passer à 100$, là. Puis, mais 100$ bien investi, parce qu'on n'avait pas eu de Kirby depuis très longtemps. Mm-hmm. Moi, dans le temps, j'avais acheté Kirby, l'original, le vrai, le premier. Kirby Dream Land sur le Game Boy, noir et blanc, là, en 1992. C'était un excellent jeu. Suite à ça, j'avais jamais joué. J'ai joué l'année passée. Il y a eu Kirby Adventure au NES que j'ai pris sur la Virtual Console, genre 5$. Ouais. Ça vaut tellement la peine. Là, ils sont tous bons, les Kirby, bons, là, les Kirby. Quand même. Il y a plusieurs Kirby. Mais il y a des genres de Kirby sur la Superstar, DS. Il y a eu des Kirby Course d'Étoile, il y a eu des Kirby Canva. Il y a eu toutes sortes de Kirby. Mais là, avec Return to Dreamland, on parle de la série traditionnelle de Kirby. Ouais, c'est vraiment Return to Dreamland. On retourne aux sources. Puis il y avait eu Kirby's Dream Land 3 au Super NES en 97, qui est quand même un petit peu rare. Si vous le trouvez, achetez-le. Puis Kirby 64 de Crystal Shards. J'ai jamais essayé, qui est sorti en 2000. Alors là, on est 12 ans plus tard pour la vraie suite d'un jeu de Kirby d'aventure de Dreamland. Epic Yarn, c'en est pas un, c'est autre chose. Il y a eu Superstar au Super NES, Superstar Ultra au Game Boy, au DS, qui est un excellent jeu. Mass Attack a été, mais ça, c'est pas. C'est une autre affaire. Là, c'est la suite. Donc, moi, j'étais bien content de revenir aux sources avec le Kirby qu'on connaît, qui aspire, puis que, qui fait tout ça. Donc, écoute. Je vais en parler. L'histoire, c'est pas compliqué. Là. Il y a un bateau, tu promènes là, avec tes amis, puis il y a un bateau qui crash, puis qui arrive du ciel en passant, un bateau qui vole, le Star Cutter. Puis il y a un petit personnage à bord qui s'appelle Mogolor. Puis lui, en crashant le bateau, il se brise. T'sais, il y a 5 morceaux qui partent, puis des gros morceaux, là, les ailes, les rames, la queue du bateau. Il faut que tu ailles chercher ça. Puis il y a 128 petites roulettes, des petits engrenages là aussi qui se détachent du bateau. Fait que tu ramasses ça aussi en jouant. Donc, ton but, c'est de ramasser tout ça pour refaire le bateau pour que Dude puisse retourner chez eux. Là. Mais il te promet aussi que, comme il va t'emmener là, sur sa planète après. Fait que on part, on fait l'aventure. Donc, c'est pas compliqué. T'es comme la map, c'est une grosse étoile, comme à Mario. Puis puis chacune des pointes de l'étoile est un monde. Chacun des mondes est tellement cliché aussi. Là. La forêt, le deuxième, c'est le désert. Après, t'es dans l'eau. Après, t'es sur la glace. Fait que, tu sais, ça, j'ai trouvé ça un petit peu dole. Là. Mais bon, en tout cas, c'est pas grave parce qu'on est là pour avoir du fun. C'est Kirby, puis ce jeu-là, il est fait pour avoir du fun. Donc, tu sais que c'est. Tu t'attends à ça quand un peu. Ça là, sera pas compliqué. Puis tu t'attends à tous ces clichés-là, puis tu les acceptes beaucoup plus facilement. C'est un peu ça Nintendo aussi. Il y a beaucoup de clichés qui reviennent, puis on est comme, c'est comme une vieille douille. C'est comme une vieille pantoufle. Hein, c'est ça. Elle a ma couverte. Totalement. Ce jeu-là était quand même attendu parce que, comme je disais, cette série-là, Dreamland, ça faisait longtemps. Donc, on est On avait parlé aussi à notre première émission. On avait parlé après l'avoir essayé, puis. Fait que même si c'est cheesy, on est content de revenir cheesy. Là, donc, c'est ça. Ce qu'il faut que tu fasses, tu fais tes tableaux normalement, pareil comme Adventure Honest, pareil comme tout. Puis au travers des tableaux, tu ramasses des petits engrenages aussi. Ben, tu ramasses des étoiles. Hein, quand t'en as 100, t'as une vie. Puis tu ramasses des petits engrenages. Et puis, ces petits engrenages-là, il y en a genre 4 par tableau. Je pense que des fois, il peut y en avoir 5. Puis ça, ça te permet de unlocker des choses. Donc, c'est très agréable. Parce que sur ta map monde, tu as tes 5 points d'étoiles où est-ce que tu vas. Puis tu as le bateau dans le milieu crashé. Tu peux retourner dans le bateau. Puis mettons, quand tu as 20 engrenages, ça débloque un minigame. Où ça débloque, il y a une autre section, il y a 3 sections. La section des minigames dans le bateau, la section des challenges. Tu as des challenges. Puis la section où est-ce que tu peux aller chercher des power-ups. Donc, faut que tu ramasses tes engrenages pour ça. Là. Ça, c'est bien pratique. Puis, dans le fond, avant de revenir aux minigames, je vais expliquer un peu comment ça se passe là-dedans. C'est encore les mêmes ennemis, la même musique, la même affaire, mais tu sais, comme juste plus beau puis plus fun. Donc, tu ramasses des Kirby de la façon qu'il marche, c'est que s'il y a un ennemi devant toi qui crache du feu, tu l'aspires, tu l'avales, tu te mets à cracher du feu toi avec. Donc, tous ces power-ups-là, ils sont là. Mais il y en a des nouveaux qui sont pas mal cool. Je sais pas s'ils étaient là avant, je les ai pas vus. Mais tu peux être comme un peu Link. Comme avec un personnage avec une épée, tu l'avales. Puis là, tu as vraiment un petit bonnet vert puis une épée qui ressemble à Link. C'est juste trop génial. Puis mettons, tu as toute ta life puis tu te donnes un coup d'épée, ça lance une fireball, tu sais, comme, comme Link dans l'original. Puis quand tu gardes ton doigt sur le bouton puis tu le lâches, tu sais, il fait comme un tourbillon comme à Link to the Past ou dans les plusieurs Zelda. C'est totalement emprunté à ça. Là. Ça, c'est vraiment c'est cool, ça. Tu peux être un ninja aussi. Une nouvelle chose que j'ai vue, tu colles sur les murs, tu pognes les ennemis, tu lui fais faire des souplesses. T'sais. T'as un fouet aussi que tu peux prendre. Là, t'es un peu comme Indiana Jones. Tu fouettes, tu vas tu vas peser sur des switches, tu sais, qui sont inatteignables normalement, ouais. Où tu grabes les ennemis avec ton fouet. Ça, c'est vraiment cool. Ou tu peux être une roche, puis toutes sortes d'affaires de même. Donc ça, c'est, j'ai trouvé ça bien le fun parce qu'il y avait comme l'eau puis les autres affaires traditionnelles. Là, il y en a des nouveaux et il y en a encore des mieux. T'as ces mêmes power-ups-là, mais plus forts. C'est comme ça ce qu'on avait vu, l'espèce de grosse épée. Ça, c'est comme la Link, mais l'épée, plus forte encore. Okay. Fait que quand tu donnes un coup, ça slash, ça il sort une grosse épée, grosse comme l'écran, puis ça détruit tout là, dans le tableau. Ça, c'est vraiment c'est vraiment cool. T'as un meter, là, tu sais, puis tu n'as pas toujours le meter de sang, fait qu'il faut que tu te dépêches là, à te rendre jusqu'au bout du tableau pour utiliser ça. Fait que t'as aussi le feu, ça devient une espèce de gros dragon là, qui balaye l'écran de feu. Un maillet, tu sais, que ça, tu shakes ta Wiimote, puis le maillet, il grossit, puis là, il est gros, très gros. Puis il slam, ça tout pète dans l'écran. Puis la glace aussi, c'est le fun, le power-up, parce que tu deviens une grosse boule de neige, puis tu roules, puis tu ramasses les ennemis, comme Katamari un peu. Aïe, aïe. Et ça, j'ai trouvé ça bien sympathique. Fait que tu te promènes à travers les tableaux, tu fais tes affaires. Ceux-là, soudainement, t'as comme une genre d'étoile qui est comme une percée, on dirait, dans le tableau. Tu rentres dedans. Puis là, c'est comme un petit tableau, pas bunny, mais un autre petit monde à travers ton tableau que tu fais. C'est un peu une course contre le background parce que t'avances. C'est en noir et blanc, ben le fond. Puis là, tu te rappelles, tu vas sûrement t'en rappeler, on a joué au E-Tree, au post E-Tree. Ouais. Puis l'écran court après toi en arrière, le mauve te suit. Mm-hmm. Si tu y touches, tu sors du tableau, c'est terminé. Donc, il faut que tu passes à travers les obstacles pour te rendre jusqu'au bout. Puis là, tu as un petit boss que si tu le tues, tu pognes des engrenages. Okay. C'est juste des petites affaires de même qui arrivent à travers les tableaux qui sont super le fun. L'étoile est là, tu veux y aller dans l'étoile. Tous tes power-ups sont là. Faut que tu les prennes pour pouvoir couper des cordes plus tard, pour passer à des places. Il y a des murs en glace. Faut que tu pognes ton bonhomme de feu pour passer au travers. Puis il se passe toutes sortes d'affaires. Un moment donné, tu pognes un genre de ballon. C'est une bombe, ballon, qui gonfle sur toi. Il faut que tu te dépêches, faut que tu ailles la pitcher une place pour que ça fasse un trou dans le mur pour que tu puisses passer. Tu pognes un cristal qui te rend comme invisible, les ennemis ne te voient pas. Puis là, avec ce cristal-là, qui a quand même un temps qui est effectif, là, après ça, il arrête. Ben, tu passes au travers de des portes invisibles. T'sais. C'est Kirby, mais pimpé, avec plein d'éléments vraiment comme ça, de consoles next-gen. Là, ça marche... vraiment super bien. Y a-t-il des boss là-dedans? Oui, il y a des boss à la fin de chaque monde. Dans le premier monde, c'est le même arbre qu'il y avait à Kirby Dream Land sur le Game Boy. Ça, c'était bien cool. Ouais. Puis, y a des boss quand même qui fit. Là, le tableau de la glace, ça devait être... C'était quoi? Donc, pingouin, genre? Le classique, là, mais ça marche super bien. Donc, c'est ça. Tu passes tes boss et puis... Quoi d'autre? Ben il y a le co-op aussi, moi, que je voulais parler. J'ai essayé de convaincre ma blonde toute la semaine. Là, j'ai dit, c'est pas compliqué, là. On va être dans le premier tableau du premier tableau, super simple. Tout va bien aller. Ça va. T'as juste besoin d'aspirer, tu sais. C'est facile. Elle veut pas, tu sais. Ouais. Elle veut tellement pas, là. Mais ça, c'est parce que là, on peut jouer à quatre comme dans Mario. Moi, ouais, c'est ça que je trouvais trippant. Ben, j'essaie d'inviter du monde chez nous en fin de semaine, puis je veux l'essayer, tu sais. Ouais. J'ai l'impression que ça va être un peu chargé, par exemple, parce que ton bonhomme est quand même gros dans l'écran. Puis il n'y a pas, je sais pas, ça va être différent, mais à 4, en tout cas, ça va brasser, ça, c'est ouais, c'est ça, mais à 4, c'est tout le temps le fun parce que, tu sais, c'est le bordel. C'est un peu ça qui est le fun aussi. C'est ça que ça va être aussi, là. Mais aussi, c'est ça, je voulais revenir à des affaires qu'il y a dans le tableau. T'as aussi une genre de grosse botte que t'embarques dedans, comme un Mario Bros. Comme un Mario, c'est ça. Une botte avec des pics en dessous que tu bounces, tu sais, un peu partout, tu passes à travers des chemins, ça, c'était vraiment le fun. Puis pour revenir aux mini-games puis à tout ça que tu unlocks, les mini-games ont rapport avec les power-ups. T'sais, mettons, t'as un mini-game de fouette où est-ce qu'ils te donnent le power-up de fouette pour commencer. Puis là, il faut que tu te dépêches. C'est la course contre la montre. Il faut que tu ramasses toutes les scènes. Tu le fasses le plus vite possible. Puis ça va te demander des skills. Il faut que tu sois bon avec ton fouet pour faire des choses. Puis fouetter aux bonnes places. Il y en a un autre avec l'épée. Ça va être le mini-game de l'épée. C'est surprenant comment est-ce qu'il y a des moves à faire avec chacun de tes power-ups. Tu pèses sur start, moi je savais même pas, je faisais juste comme hier, je fais du feu. Mm-hmm. Là, à un moment donné, je fais du feu par en haut, là je dash, tu sais, tu peux faire des tonnes d'affaires. Okay. Tu pèses sur start, tu as un menu de tes moves comme à Street Fighter. Donc, t'as des combinaisons, tu sais, où est-ce que tu peux faire des moves là, killer au max avec chacun de tes power-ups. Cool, ça. Ça, au début, j'ai même trouvé... Fait que tu peux finir par avoir ton préféré un peu ben, comme dans les jeux de fighting. Puis justement, dans le bateau, que la zone que tu unlocks avec tes engrenages, tu vas choisir ton item préféré là-dedans, mm-hmm. tu sais, puis tu pars avec, puis tu vas faire le rumble. Ouais. Mais ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment hot. Il y a beaucoup, beaucoup de moves puis de combos que tu peux faire avec chacun de ces power-ups-là. Puis chacun d'eux, écoute, il y en a genre 20 là, power-ups. Fait que oui. 20 power-ups fois genre 10 moves vraiment killer chacun, ça te donne une bonne profondeur de jeu. Oui. Là, ça, c'est vraiment hot. Puis, donc, les affaires aussi que tu peux unlocker, ça, c'était les challenges. Tu peux unlocker un dojo, un minigame, un dojo, puis un autre que c'est comme le scope, tu tires du bazooka, tu sais. Puis, donc, le dojo, ce que tu fais, c'est que tu reprends ta Wiimote verticalement, puis tu lances des shurikens, comme okay. y a des targets qui passent devant toi. Ouais, ouais, ouais. Il faut que tu lances des shurikens, puis que tu sois bon là-dedans, okay. finalement. Puis l'autre, qui est comme un scope, c'est que tu tires du bazooka. Tu sais, comme tu pointes avec ta Wiimote, puis tu payes sur A okay. pour essayer de blaster un genre de robot. Fait que déjà, okay. à 4, ça, le scope, ça doit être trop génial. Ouais, tu vas être 4 en train de blaster le robot en même temps, ça va vraiment être le fun. Fait que ça, j'ai trouvé ça bien agréable aussi. J'en ai vu deux, je sais pas. D'après le design du tableau dans lequel ouais, où est-ce oui. qu'ils sont, je pense pas qu'il y en a plus que ça, mais c'est une belle addition là, ouais, pour oui. rajouter encore plus de profondeur. Ben, déjà, si on regarde le dernier qu'ils ont fait, qui est Mass Attack, que j'ai critiqué ouais. justement, c'était la même affaire. Il y a plein de mini-jeux. Là, j'ai ouais. pas fini le jeu encore, puis je débarre encore les mini-jeux, puis il y en a qui sont vraiment deep. Là. Ah, totalement. Fait qu'il y a un bon travail qui est fait aussi en fonction des mini-jeux. Je trouve ça vraiment cool. Oui, parce que ben, ce Kirby-là, même s'il est fait. C'est comme. C'est pas dur. Là, ouais, c'est Kirby, ça, c'est pas vraiment dur. On va finir par le passer parce que c'est long, ça sera mm-hmm. pas compliqué. Mais toutes ces mini-games-là te permettent de rejouer là, beaucoup. Oui. Mais c'est le fun aussi que ce soit pas comme trop hardcore. J'aime ouais. ça, moi, un jeu relax. Tu sais, je voulais ben jouer. Ouais, j'ai pris Kirby pour relaxer. Ben, tu joues à Kirby. Je joue à Kirby pour une certaine expérience. Je progresse à chaque fois. Ouais. Je reste jamais nulle part. Mm-hmm. Puis je peux revenir, backtracker, aller chercher des engrenages qui me manquaient dans le tableau. Je peux jouer aux minigames. Tu sais, ouais. C'est juste une belle expérience. T'es là pour avoir du fun. T'as ouais. du fun. C'est un excellent jeu de Wii. Qui sort, mon Dieu, très, très, très tard. J'ai lu qu'il était supposé sortir en 2005 sur la GameCube. Finalement, ça n'a pas marché. Puis, tu sais, ça a vraiment hein? été long, là. T'sais. Puis, on fait Epic Yarn avant, okay. toute la patente. Donc, là, ce jeu-là est arrivé très tard. S'il était sorti avant, ça aurait peut-être aidé la Wii GameCube, un peu. Ça a été bon, ça aurait aussi, torché là. Pas mal, mais c'est ça. Donc, on l'a tard, mais on l'a encore. Ouais, donc, ouais. c'est encore une fois... Encore pertinent aujourd'hui. Un jeu là, qui vaut la peine de dépoussiérer votre Wii. Mais si t'as quelque chose de négatif à dire sur le jeu, ce serait quoi? Y a-tu vraiment quelque chose de négatif dans ce jeu-là? Ben, écoute... Il est trop facile, après ouais, ce que tu ça serait tantôt, peut-être hein? ça. Mais là, je suis rendu à la quatrième pointe de l'étoile sur 5. Après ça, je sais... pour l'avoir lu, que je vais me ramasser dans l'espace puis qu'il y a encore genre un autre quatre mondes à faire là-dedans. Okay, okay. Fait qu'il y a des affaires un petit peu plus compliquées aussi oh, là, oui. à mesure que tu avances, mais je pense pas avoir bien de troubles. Ça va être bien correct. Comme Mario Galaxy. Oh, ça me ouais. fait tellement passer à Mario Galaxy, ce jeu-là. C'est juste cool de même. Je savais dans quoi je m'embarquais. J'ai eu des super belles surprises avec tous les power-ups, les méga power-ups, tous les super moves que tu veux faire avec chacun d'eux. Ça, c'est vraiment comme la belle surprise de ce jeu-là. Ouais. Mais toutes les petites truc funny qu'il y a dans tous les tableaux. C'est juste tout bon. T'es ouais. agréablement surpris. Donc, je saurais pas quoi dire de négatif là-dessus. Ah, c'est parce cool, que ça, tant mieux. On s'attend à ça, on a du plaisir et on en a un petit peu plus que prévu. Donc, exactement. Achetez-vous ça absolument. Là. Si vous avez pas peur d'acheter un jeu de Wii. Là, ouais, ou un jeu de Kirby. Ou un jeu de Kirby, hein, parce que c'est ça. Quand le petit bonhomme rose à côté de Battlefield ben, puis Batman. Ça fait tout un contraste. La fille, elle me dit Aïe. Wii Game, c'est ça. Donc, tu viens chercher ta copie de Battlefield. Non. Là. Je rentre dans ton magasin, je viens checker le shit, c'est tout. Ouais, c'est ça. De Battlefield. Donc, j'étais bien content. Bien. J'aime ça faire un contraste. Non, j'achète pas Battlefield, j'achète Kirby. Ouais, c'est ça. Hey, en passant, je voulais dire, j'en ai pas parlé tantôt, mais présentement, j'ai commencé Uncharted 3. Ouais. Et quel jeu sorti magnifique! Cette semaine, c'est sorti cette semaine, puis vraiment, là, je suis pas déçu, pas en tout, jusqu'à la date. Je suis pas rendu loin dans le jeu, mais j'ai énormément de fun. Moi, c'est Moi, je pense que c'est ma série. Là. C'est devenu ma série Uncharted. C'est drôle quand même. Moi, j'ai jamais joué, puis je doute pas une minute que c'est complètement génial, ce jeu-là. Mais à le regarder, je trouve pas que ça a l'air spécial. Comprends-tu? Ben, c'est comme un gars qui explore. C'est parce que c'est aussi le côté cinématique de la chose. Tu as vraiment l'impression de jouer un film. L'histoire est intéressante, chose qui, pour ma part, ben franchement, arrive pas souvent. C'est rare que je m'investis dans une histoire. Oui, c'est ça. Puis Uncharted, j'embarque là, à fond la caisse. Puis le troisième, encore plus que les autres. Okay. Puis moi, c'est ça, comme je le dis tout le temps, partout, mon héros d'enfance, c'est Indiana Jones. Oui, ouais, ça t'a rejoint, ça. Ça m'a rejoint au bout. T'sais, même qu'au Japon, ils ont été brillants. Leur spokesman, leur porte-parole pour Uncharted 3, c'est Harrison Ford. Ah ouais, t'sais. Génial. Fait, je trouve ça vraiment cool. C'est, ils savent à qui ils s'adressent. Puis c'est vraiment... C'est un très, très, très bon jeu qui est vraiment... c'est juste vraiment le fun. Puis on a complètement mis de côté, justement, le côté peut-être un petit peu trop compliqué des jeux vidéo. T'sais. Les contrôles sont quand même assez faciles. Ouais. Ça se fait bien. Ah, tu as de la difficulté un peu avec les puzzles, mais pas trop. C'est jamais trop. C'est juste bien dosé. Puis, si tu veux le côté compétitif, ben il y a un excellent multijoueur, tu sais. OK. Fait que là, comme c'est là, je viens de commencer. Je vais vous donner d'autres impressions dans un autre rétro nouveau. Comme on a dit, évidemment, on fait un survol rapide, mais on parlera pas généralement de ces jeux-là comme tels. Mais j'ai bien du fun, puis je tenais à vous le dire. Je voulais savoir, t'as-tu joué à Dark Souls? Non, puis c'est un choix. Ouais. Ben, Parce que moi, j'ai pas joué à rien de tout ça, puis je connais... Ben, je sais que c'est très hardcore d'après ce que tout le monde dit, mais je trouve que ça a l'air bien, l'univers, puis c'est comme... Ben, c'est beau, moi, je trouve ça merveilleux, puis même, j'avais essayé le premier qui était Dark... c'était-tu, attends une minute... Il y a Dark Souls, puis l'autre, c'est... Aïe, j'en viens pas que j'aie un blanc. Ah, le premier, c'était Dark... Oh là là, non, on va encore chercher. Voyons, c'est facile, là. Voyons donc. Dark Dakota Fanning. Ben ça, c'est sûr, c'est Dark Souls, mais... Ouais, des fois, hein. Le premier jeu, c'était pas Dark Souls, c'était... Attends, je vais regarder ici sur Qui est la suite de Demon's Souls. Demon's Souls. Ah! Ben c'est ça, ben Demon's Souls, j'avais commencé à jouer, puis vraiment, moi, des jeux comme ça, si je suis totalement découragé. Au bout d'une heure de jeu, j'embarque pas pantoute. Là, ouais, faut que quand j'ai plus pas vite de fun. Ça, toi, là. Ouais. Mais non, mais tu sais, quand j'ai pas de fun, avec tous les jeux qui existent maintenant, je dis pas il y a 5-10 ans où t'avais un bon jeu par mois. Là, c'est plus le cas. Pantoute, là. Ouais. Il y a plein de jeux en même temps. Fait que tu sais, c'est pas un jeu qui m'intéresse tant que ça. Skyrim non plus, j'ai le goût d'avoir une vie aussi. Fait que j'ai pas le temps pour ces jeux-là. Puis anyway, il y a un grand public pour ces jeux-là. Fait que je suis sûr qu'ils vont en vendre une tonne pareil. Ouais, moi j'ai acheté Metal Gear Solid 4, tu sais, j'étais un fan de Metal Gear puis j'adore ça, mais. Jamais que je vais avoir le temps de jouer à ça là, d'ici les 30 prochaines années. Là. C'est impossible. Il va falloir que mes enfants soient partis aux études. Hey, c'est tellement long, puis il y a un méchant bout où tu vas passer sans même toucher à ta manette. Ben, c'est pas le genre d'affaire qui me dérange là, pour ça. J'avais bien aimé ça, mais en tout cas, je l'ai acheté pour ma collection, mais effectivement, des jeux de même. C'est peut-être ton gars qui va jouer avec. Ben, probablement. T'sais. Ah, j'ai commencé à faire ça d'ailleurs. T'sais, moi, j'avais dit que comme je voulais pas mettre mon jeune dans une vidéo nécessairement. Mais j'ai commencé à jouer. Il m'a vu jouer à Plants vs. Zombies sur ma 3DS. Il a bien aimé ça. T'sais. Puis, je trouve que même si c'est violent, c'est pas vraiment violent. Non, c'est parce qu'il n'y a pas de sang, il n'y a pas rien. C'est pas des zombies, c'est des bébites. Les bébites s'en viennent, il faut qu'ils veulent rentrer dans la maison. Oui. Fait que je mets des plantes, là, il dit ah, les bébites. C'est comme très innocent comme relation, puis il aime bien ça, regardez. Fait que fine. Puis il m'a regardé jouer à Kirby aussi. Le petit okay. Mini, c'était « Papa, je veux voir le petit bonhomme rose qui avale, tu sais. » Ben c'est ça, moi c'est la même affaire. Elle veut regarder, mais elle tient pas nécessairement à jouer avec le jeu. Ben il veut regarder beaucoup, tu sais. En même temps, ça me fait un peu peur, là. Fait que moi, je suis bien content. Je dis, parfait, je vais jouer, tu sais. Ben, je veux pas trop en mettre, là. Mais en tout cas, j'ai comme franchi cette barrière-là dernièrement. Puis il m'a même vu jouer à Limbo, tu sais. Moi, je savais pas Limbo. OK, hey, non, Limbo. Je savais pas que c'était bloody au max au début, là. Tu sais, je commence à jouer au petit bonhomme, là, là, là. Tu sais, c'est correct. Il grimpe tout le temps. La tête part, les grosses araignées. Je dis, oh, pas, il faut pas que je joue à ça. Mais il me le redemande souvent, là. Il veut voir le jeu du petit bonhomme. Il comprend pas, tu sais. C'est l'horreur. C'est creepy en plus, là. C'est tellement l'innocence de l'enfant. Fait que je vais faire attention. Vous voyez, Kirby, c'est parfait pour vos enfants. Ben moi, j'ai justement, dernièrement, j'ai joué à Shadow of the Colossus pour ma critique à Monsieur Nett. J'en parlais tantôt. Puis ma fille me regardait jouer, puis elle était complètement éblouie par le jeu. Là. Elle trouvait ça merveilleux. Les grands coups d'épée dans la tête des colosses. C'était correct. Je disais que c'est de la boucane. Ouais, c'est de la fumée. Il y a de la fumée qui sort de lui, puis c'est tout. Puis... Quand le petit bonhomme de Limbo a sauté dans le piège à ours pour la première fois, puis la tête, il a coupé, puis il a le sang giclé partout. Je suis comme, oh shit. Oh là, regarde, là, le petit garçon, il a comme sauté dans le gâteau. Là. Ouais, c'est ça. Tu dis des affaires. Ah oh, ouais, il saute dans le gâteau. T'sais. À la limite, tu dis c'est un robot. T'sais. Il a cassé en mille morceaux. Ouais, puis, ben, il sait pas ce que c'est les robots sort, tant t'sais. Que ça encore. Mais ouais, c'est ça. T'as faut des trouver des moyens. Marche, là, c'est comme dire, non, il est pas mort, il dort. T'sais, c'est... Ouais, pas évident. Les enfants, ouais, les jeux vidéo, là, faut faire attention quand même. Fait que, bref, c'est ça. C'est ce qui termine ce 13e épisode de Rétro Nouveau. Puis on vous revient de façon régulière. D'après moi, là, d'ici... je sais pas en tout combien ça va te prendre de temps à régler nos problèmes. On espère juste que ça vous décourage pas trop. On est bien déçus que ça peut-être décourage des nouvelles des nouvelles. Ça a peut-être découragé certains fans. Mais en tout cas, continuez d'être là. Puis on tient à votre présence. Puis tout ça va se régler un jour ou l'autre. Puis on va être back on track, là, plus fort que jamais, avec notre nouveau interface, notre nouveau blog. Puis... nos nouveaux settings, ce qui fait que vous allez downloader rapidement. Exact. Donc, c'est ça. À la prochaine. À la prochaine. Retro Nouveau.